combien de starlettes pour le cocktail des femmes de Paris? Mais leur en 12. Et recommande bien à ces demoiselles d'être à l'heure. Hein. Les photographes, eux, arriveront à 6h30. Ah, dis donc, très important, qu'elles évitent de se précipiter sur les toasts au caviar. Le goût immodéré pour le caviar fait progressiste. Quand elles seront vedettes à 20 millions par film, elles pourront se payer le luxe d'être progressistes. Pas avant. Quelle heure est-il? Midi moins le quart. Mais bon sang, mais que fait-elle? Mais c'est pas possible. Bon, je l'appelle. Copernic. Copernic 42-40. Copernic 42-40. Hein. 40, Georges. Tu ne t'en souviendras jamais. Oh, c'est occupé. Ça, tu vois, ça, c'est très ennuyeux, ça. Bon, dis-moi, qu'avons-nous d'autre à notre programme de ce matin? Eh bien, tu devais me dicter le rapport pour Carson sur l'idylle Marilyn Wood, Fleur de Canard. Ah oui, c'est vrai. Alors, commençons. Oui. À l'intention de Monsieur Carson, directeur pour l'Europe des films USA. Opération Idylle, Marilyn Wood, Fleur de Canard. Cher monsieur, j'ai le grand plaisir de vous présenter le plan d'une campagne pour le lancement des nouveaux films de Marilyn Wood. Campagne basée sur l'exploitation d'une idylle entre la grande star américaine Marilyn Wood et le milliardaire argentin Monsieur Flore de Cana. Milliardaire argentin Monsieur Flore de Cana. Premier jour de l'opération. Arrivée de Marilyn à l'aérodrome d'Orly. Le milliardaire Flore de Cana l'attend avec une gerbe d'orchidées dans les bras. Ça, là, la photo paraît, c'est forcé. Copernic. 42-40. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Allô? Allô, c'est toi, mon chou? Comment? Vous n'êtes pas mon chou? Oh, j'avais compris, monsieur. C'est un faux numéro. Dis donc, Georges, je te trouve bien excité par cette opération Françoise Martin, Gaby Johnson. Mais réfléchis, c'est une expérience passionnante. Je prends une jeune personne complètement inconnue et en une matinée, je la rends célèbre. Je lui fais paraître sa photographie dans tous les journaux. Je lui apporte la gloire. C'est naturel que je sois excité, non? Si l'opération réussit, c'est toute l'efficacité de mon système qui est démontrée. Si elle a raté, bah, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, si tout est bien. Mais enfin, Georges, pourquoi veux-tu qu'elle ait raté? C'était vraiment une opération très simple. Bah, ouais. Écoute, Françoise Martin se jette à l'eau à 11h du haut du pont de l'Alma. C'est vrai, c'est vrai. Gary Johnson, passant providentiel, la sauve à 11h03. Bon, eh ben, je vois vraiment pas ce qui peut rater là-dedans. Mais tu as raison, ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Bon, je me calme, Bon, revenons-en à Marilyn, où en sommes-nous? Attends, nous en sommes au deuxième jour. Deuxième jour, Marilyn visite Paris pour les photographes. Séance de pose à l'Arc de Triomphe, au marché aux puces, à la Sorbonne. Flore de Canal l'accompagne partout, il lui donne le bras. Il apparaît sur quelques photos. Troisième jour, à Longchamp. Flore de Canal et Marilyn inséparables. Les rubriques d'écho commencent à parler de cette grande amitié. Quatrième jour, Flore de Canal et Marilyn dînent en tête-à-tête dans un petit restaurant de la rive gauche. Le restaurateur prévient en secret un reporter qui les surprend au moment où ils se tiennent les mains. Ça, c'est sûr que ça marche, les photos paraissent. Et à partir de cet instant, dans chaque rubrique d'écho, une équipe est désignée pour suivre les amoureux. Bon, midi moins 12, mais bon sang, mais que fait-elle? Oh, mais c'est pas possible, mais que fait-elle, mais dis-moi. Bah, rappelle-la, Georges, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et n'oublie pas qu'elle devait avoir le temps d'aller se changer, tu comprends, elle était trempée, cette fille. Bah, ça ne répond pas, Liv. Remarque, ça prouve qu'elle ne s'est pas noyée. Bah oui, entrez! Est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Françoise Martin, oui, s'il vous plaît? Je regrette, monsieur, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi. Oui, alors. S'il vous plaît. Je croyais que... Cette attente est insupportable. Midi moins 8. Oh, tu veux que j'aille voir? Mais tu es folle! Si tu vas là-bas, tout devient suspect. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'attendre ici. Ah bon? Et c'est aussi ce qui m'a fait choisir Françoise Martin. Elle est vierge. Vierge? Ah ben dis donc, t'en as de la chance d'en être sûr. Et puis je vois pas du tout l'importance que peut avoir ce détail sur le succès de ton opération. Mais ne sois pas stupide. Si. Quand je te dis qu'elle est vierge, j'entends par là qu'elle n'a jamais été déflorée par un lancement. Ah. Sur le plan publicitaire, elle est vierge. Ah bon? Alors dans ce cas-là, disons une demi-vierge. Mais pourquoi cette restriction? Bah, elle a été mise bandole en 1965. Oh oui, bah, on l'a oublié. Hein. Tu sais, Georges, je ne voudrais pas te faire de peine, mais ton histoire de la noyade au pont de l'Alma, c'est pas une chose tout à fait inédite. Hein. Ah oui, je sais. Oh, je sais, elle a déjà servi. Oui, elle a déjà servi. Mais je l'ai adaptée. Je ne me contente pas d'envoyer Françoise se jeter à l'eau. Je la fais sauver. Et par qui? Par Gary Johnson. Et le tout à la minute même où le président de la République inaugure le salon nautique sur les berges de la Seine. Ce qui fait que j'obtiens 20 journalistes, 40 photographes, la radio, la télévision et les actualités cinématographiques. En un mot, tous ceux qui peuvent transformer ma starlette inconnue en une vedette célèbre. Je vous demande pardon si je vous dérange, mais est-ce qu'elle va venir? Mais qui, monsieur? Mademoiselle Françoise Martin. Monsieur, nous l'attendons et nous l'attendons, nous aussi, avec impatience. Ah bon? Alors, s'il vous plaît, Oui, je m'excuse. Voilà, ben voilà. Il n'y a pas que lui qui est pressé de voir Françoise Martin. Ah non! Et d'ailleurs, Gary Johnson est lui aussi impardonnable. Il aurait bien pu nous téléphoner pour nous rassurer tout de même. Mais Georges, je t'en prie, ne t'énerve pas. Ah. Tiens, terminons plutôt le rapport pour Carson, ça vaudra mieux. Oui, tu as raison. Allez. Où en sommes-nous? Cinquième jour. Cinquième jour, Marilyn et Flore de Cana dansent toute la nuit au Lido. Cette fois, alors, tous les reporters sont là. Au cours d'un tango, Marilyn pose sa tête délicatement sur l'épaule de Flore de Cana. Flash! Ils montent dans la même voiture. Flash! Le public se passionne. Et à partir de cet instant, la question est enfin posée. Marilyn va-t-elle épouser Flore de Cana? Sixième jour, tu réunis une conférence de presse au cours de laquelle Marilyn annoncera son mariage. Mais tu es folle! Ah bon? Voyons, Jeanne. Le public se passionne pour savoir si Marilyn va épouser Flore de Cana. Pourquoi? Parce qu'à la question, Marilyn va-t-elle épouser Flore de Cana? Personne n'a répondu. Si Marilyn répond oui, eh bien, leur aventure n'intéresse plus personne. On les marie et c'est fini. Non, crois-moi, si Marilyn répond quelque chose, ce sera non. Mais pourquoi non? Parce qu'un non n'est jamais sans lendemain. Parce que toutes les âmes sensibles penseront que c'est trop affreux, que ça ne peut pas durer, que c'est un malentendu. Et si nous sommes assez habiles pour laisser subsister un peu d'espoir, l'intérêt à propos de Marilyn redouble. Je m'excuse de vous déranger. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va venir? Mais qui, monsieur? Mademoiselle Françoise Martin. Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Auguste Roussel. Je suis employé à la BLDI. Oui, ben moi, monsieur, j'ai mon compte. J'ai mon compte à la Société Générale et je vous assure, c'est pas le moment de venir m'importuner. Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oh, ouais. Combien? Copernic 4240. Ah bah, si tu crois que je me souviens de tout ça. Ah, je te jure. Ah, ça y est, cette fois c'est libre. Ah. C'est libre. C'est libre, mais ça ne répond pas. Oh. Mais Georges, je t'assure que tu as tort de te mettre dans des états pareils. Mais tout a très bien marché, j'en suis sûre. Il n'y avait aucun risque. Et moi, je te dis que nous avons 10 millions de risques. Nous risquons, par exemple, que François soit arrivé en avance. Nous risquons que Gary Johnson soit arrivé en retard. Tiens, et nous risquons aussi que le président de la République les ait devancés. Tiens, nous risquons aussi que la princesse du Liechtenstein ait accouché ce matin. C'est Touraine qui s'occupe de l'opération. L'accoucheur? Mais non, Touraine, le chargé de presse, le public relation. C'est lui qui s'occupe de bébé et du premier ministre. Oui, d'accord. Touraine a tenu hier une conférence de presse pour annoncer au monde les prénoms choisis. Amélie, si c'est une fille, Henri, si c'est un garçon. Ouais. Donc, c'est imminent. Ah, oui. Et si le bébé a la mauvaise idée de naître ce matin, même si notre noyade a parfaitement marché, nous n'aurons pas un mot dans les canards. Le chérubin nous bouffera toute la place. Oh non, laisse-moi toucher du bois. Touchons. Midi, moi je sens que je vais faire une crise de nerfs, c'est pas possible. Pardon si je vous dérange. Est-ce que je pourrais lui laisser au moins une petite commission? Quelle commission? Parce que, à Mademoiselle Françoise Martin, je voudrais qu'elle me rende un petit service. Je voudrais qu'elle écrive un mot. Mais quel mot, monsieur? Pour expliquer ce qui est arrivé ce matin. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? Figurez-vous que ce matin, Mademoiselle Françoise Martin... Au fait, vous qui la connaissez bien, vous n'avez rien remarqué ces derniers temps? Vous n'avez pas eu une contrariété, un chagrin? Enfin, pourquoi me demandez-vous ça? Ce matin, Mademoiselle Françoise Martin a voulu se suicider. Oh! Vous y étiez? Oui, j'étais même aux premières loges. Ah oui, mais rassurez-vous, elle a été sauvée. Ah, mais je sais, mon brave, et je peux même vous dire par qui. Ah, vous le savez déjà? Eh oui, par Gary Johnson. Comment vous avez dit? Gary Johnson. Mais c'est ça, mais je le remets maintenant. Eh oui, le jeune premier du cinéma, la coqueluche de Hollywood, le courageux sauveteur, celui qui a plongé. C'était lui. Ah non. Comment non, je sais mieux que vous, non? Ah non, non, celui qui a plongé, c'est moi. C'est... On peut dire que c'est un coup de chance. Ah, vous appelez ça un coup de chance? Je vous expliquer. Oui, ben je vous en prie, monsieur, expliquez-vous et vite. Figurez-vous que je suis employé à la BLDI. Oui, oui, oui, alors ça, monsieur, je sais, alors passez, s'il vous plaît. Alors, ce matin, mon chef de bureau me demande d'aller rue Jean Goujon pour aller rectifier une erreur. Puis j'ai dit, tiens, il fait beau, je vais marcher un peu. Alors, marchez vite, je vous en prie. Bon, alors, j'arrive là-bas, quoique j'aurais très bien pu prendre l'autobus ou le métro, parce qu'on est à côté de la station école militaire. Et puis... Comme j'étais pas pressé, je me suis dit... Tiens. Mais moi, je suis pressé, monsieur, je vous en supplie, ne me le dites pas. Bon, alors, je ne suis rien dit du tout, et j'arrive place Branly. Alors, traversez-la vite. Mais c'est que ça n'a pas été commode. Oh, il y avait un encombrement, si vous aviez vu ça. Les agents de police qui arrêtaient toutes les voitures. Même que je me suis dit, oh, ben, heureusement que j'ai pas pris un taxi. Ça, le compteur aurait été dépourvu. Vous énervez pas comme ça, je vous dis qu'elle a été sauvée. Alors j'arrive au pont de l'Allemagne. Ah, enfin! Alors là, la cohue indescriptible, il y avait des voitures de radio, des voitures de presse, des caméramans, des photographes. Il y avait même le grand quart de la télévision. J'ai dit pour moi, il y a dû y avoir un accident. Mais non, c'était le président de la République qui venait inaugurer le salon nautique sur les berges de la Seine. Et vous le savez? Mais bien sûr, je le savais. Oh, ben dites donc, magie, parce 4 fois par jour, je le savais pas. C'était ça, tout le monde attendait le président de la République. Je voulais même l'attendre moi aussi, parce que moi je l'aime bien, le président de la République. Mais moi aussi, je l'aime bien, le président de la République. Mais pour l'amour de Dieu, allez au fait. Mais vous énervez pas, vous allez me faire perdre le fil. Alors, je traverse le pont de l'Allemagne. Ah, quand même, oui. Beaucoup de monde, tout ça. Je vois un visage qui m'était pas inconnu. Oui. Je dis, tiens, j'ai déjà vu, c'est peut-être là quelque part. Et impossible de mettre un nom dessus. Je dis, c'est pourtant pas un client de la banque. Je le regardais, je disais, c'est pas quelqu'un de Sucy-en-Brie, parce que j'habite Sucy-en-Brie avec mon beau-frère. Et c'est vous qui m'avez dit son nom il y a quelques instants, c'était la grande vedette Gary Johnston. Au fait, monsieur, je vous étrange. À ce moment-là, il y avait une jeune femme qui était à côté. Je la vois. Elle enjambe le parapet, elle se précipite à la Seine. Alors là, monsieur, il n'y a pas eu plus de président de la République que Gary Johnston. Le temps de poser mon manteau, floc, j'étais à l'eau en même temps qu'elle. Tout seul? Tout seul. Je nage vers elle. Elle criait, pas vous, pas vous. On sentait qu'avec ses yeux, elle cherchait quelqu'un d'autre. Qui? La mort. Pas vous. Parce que j'ai une méthode, moi, pour sauver les gens. C'est la méthode suédoise. Il ne faut jamais s'agripper comme ça. Je vous en supplie, pas de démonstration. Hein. Elle criait, pas vous, pas toute ma vie, j'entendrai ces deux mots, pas vous. Enfin, j'ai réussi à la ramener sur la berge. Oui, ça me suffit, merci. Vous ne voulez pas que je vous raconte la chose? Oh, surtout pas, monsieur, surtout pas. Bon. Alors, vous êtes sans doute venu ici pour chercher des félicitations. Non, voilà pourquoi je suis venu. Oui, alors, une récompense, alors, dites-moi. Une récompense, je vous en prie, monsieur, je mange pas. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Roussel. Voilà, monsieur. Je suis à l'agence monsieur, H. Monsieur Roussel, j'aimerais bien vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce qu'il est dans vos habitudes de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Jamais. Moi, je n'ai qu'une devise. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Alors, expliquez-moi pourquoi ce matin, vous avez empêché mademoiselle Martin de se noyer. Georges! Georges, c'est neuf! Oui, je sais, mon chéri, je suis au courant. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire et puis c'est raté. Oui, bonjour, mademoiselle. Ah, vous êtes là, vous. Oui. Mais enfin, monsieur, mais qu'est-ce qui vous a pris de me sauver? Vous êtes bon scout? Vous n'aviez pas encore fait votre BA? Ma BA? Oui, enfin, votre bonne action quotidienne. Mais non, j'ai... Alors, vous êtes membre d'une société de sauvetage? Non, je suis employé à la BLDI. Eh ben, alors de quoi vous êtes-vous mêlé? Mais j'ai vu que vous alliez vous noyer. Pas du tout, mademoiselle, c'est parfaitement nager. Ah, vous savez... j'ai pas réfléchi. Mais c'est bien ce qu'on vous reproche. Vous sautez à l'eau à la moindre occasion sans réfléchir aux conséquences. Mais c'est naturel. Non, monsieur. Il y avait 500 personnes ce matin quand je me suis jeté du pont d'Alma. Et vous êtes le seul qui y est plongé. Mais enfin, ce qui est prouvé que ce n'est pas si naturel. J'avais pas envisagé la question sous cet angle. Et vous ne vous êtes pas posé la question une seconde non plus pourquoi les autres passantes se sont pas jetées à l'eau eux aussi? Non. Peut-être parce qu'ils savaient pas nager. Ben voilà. Monsieur a voulu faire une démonstration. Monsieur a voulu faire le malin. Non, pas du tout, Mais enfin, l'idée ne vous est pas venue une seconde que vous vous occupiez peut-être de ce qui ne vous regardait pas. Pas un instant, mais... Vous vous rendez compte du tort que vous venez de faire, mademoiselle? Ah, parce que je lui ai fait du tort. Oh, bah, vous pensez peut-être être le seul homme capable de me sauver? Pas du tout, mais enfin, j'ai quand même été le seul à avoir plongé. Non, monsieur, pas le seul, le premier. C'est la même chose. Oh, bah, non, pas du tout, mais alors pas du tout. Mais enfin, j'ai tout de même plongé. Mais oui, vous avez plongé, c'est tout ce que vous savez dire. Vous avez plongé. Et c'est bien ce qu'on vous reproche. Mais pourquoi? Parce que si vous aviez attendu une minute de plus, un autre sauveteur devait plonger. Il y en a un autre qui devait plonger? Oui. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Comment est-ce que j'en sais? C'était arrangé. Par qui? Par moi, monsieur. Mais qu'est-ce que vous aviez arrangé? J'avais convoqué un sauveteur qui devait plonger et sauver mademoiselle. Mais vous saviez que cette demoiselle allait plonger? Mais bien entendu. Il le savait? Naturellement. Oh, alors vous m'en direz ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait Gary Johnson, alors? Non, monsieur Roussel, oui. La noyade de mademoiselle Martin avait été entièrement organisée par mes soins. Oui. Et vous pensez bien que je n'organise pas une noyade sans aussi organiser le sauvetage? Enfin, voyons, c'est le bon sens. La noyade de mademoiselle Martin était une extraordinaire mise en scène. Une mise en scène, un faux suicide, comme au cinéma. Savez-vous qui m'aurait sauvé si vous vous étiez pas précipité stupidement? Non, Gary Johnson, la grande vedette de Hollywood. C'est pour ça qu'il était là, alors. Bien sûr. Il était de connivence avec vous. Et maintenant, monsieur Roussel, imaginez que mademoiselle Martin ait été sauvée par Gary Johnson. Oui. Il y avait là 200 journalistes, des photographes, des cinéastes. Ça, je les ai vus, les photographes. Bah oui, on pouvait les voir. Ils s'en seraient donnés à cœur joie. Gary Johnson plongeant, Gary Johnson émergeant de l'eau. Gary Johnson me ramenant, moi, la malheureuse. Me faisant la respiration artificielle. Mon premier sourire. Les baisers du sauveteur. Les félicitations du président de la République. C'est à moi qu'il en a fait des félicitations, le président de la République. Ils m'ont même pris en photo avec lui plusieurs fois. Mais qui êtes-vous pour leur lecteur à côté de Gary Johnson, hein? Non mais réfléchissez. Sauvé par Gary Johnson, la grande vedette de Hollywood. Mais ça lui faisait 200 photos dans tous les journaux du monde entier. Et quand les photos auraient été publiées, mademoiselle Martin aurait été connue. Mais songez donc, que vous lui avez fait rater la couverture de Match. Ah! Tu crois, Georges, que j'aurais eu la photo sur Match? Mais bien entendu. Oh, il m'a fait rater la... C'est si important que ça, d'avoir sa photo sur la couverture de Match? Si c'est important. Mais mon pauvre ami, mademoiselle Martin, entrait d'emblée parmi les personnalités mondiales les plus importantes. Voilà, monsieur Roussel, ce que vous venez de lui faire rater. Pour nous montrer que vous saviez nager. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pourrez peut-être rattraper ça. Oh non, monsieur, c'est irrattrapable. C'est irrattrapable et je vais même vous dire pourquoi, monsieur Roussel. Ouais. Parce que mademoiselle Martin n'est plus vierge. Oh! Non, mais là, j'y suis pour rien, là. Oh, mais si, monsieur Roussel, vous êtes pour quelque chose. S'il vous plaît, mademoiselle, voulez-vous m'expliquer qu'avant, que jamais vous l'avez vu? Vous pouvez pas comprendre. J'ai monsieur Carson au téléphone pour l'affaire Marilyn Wood, fleur de canard. Je le prends chez toi, c'est très important. D'accord. Ah, mon pauvre monsieur Roussel, vous vous êtes mis dans de jolis draps. Hein. Sincèrement, je ne voudrais pas être à votre place. C'est de la vraie Marilyn Wood qui l'a parlé? Que voulez-vous dire, la vraie? Ben la grande vedette. Bien sûr. Pourquoi, vous la connaissez? Oui, je la connais bien. Une fois, je l'ai vue à la nuit du cinéma. Elle m'a signé mon ticket de métro. Mais elle doit plus se souvenir de moi. Vous m'en voulez beaucoup. Oh, alors là, je ne suis pas prête de vous pardonner. Oh, si j'avais su, je ne serais pas venu vous voir. Oh, je m'en veux. Si j'avais su, je serais pas venu vous voir, vous savez. C'est de la vraie Marilyn Wood. Je vais aller voir monsieur. Il est parti. C'est la première fois que je sauve quelqu'un. Mais c'est pas la première fois qu'en voulant rendre service, ça se termine en catastrophe. Vous avez déjà sauvé quelqu'un à la place d'un autre? Non, c'est la première fois que je sauve quelqu'un, mais c'est pas la première fois qu'en voulant rendre service, ça se termine en catastrophe. Une fois à la banque, j'avais trouvé le portefeuille d'un client. Et le soir, je l'ai amené à sa femme. Malheureusement, dans le portefeuille, il y avait une lettre qui n'était pas du tout pour sa femme. Alors, on a perdu le client. Enfin, j'espère qu'après ce qui vous est arrivé ce matin, vous serez guéri. Oh, j'ai bien peur que non, je suis ainsi fait. J'éprouve toujours le besoin de rendre service. Et tout de suite, je suis en train de chercher ce que je pourrais bien faire pour essayer de rattraper ma bêtise. Alors là, je vois pas très bien ce que vous pourriez faire. Que voulez-vous? C'est raté, c'est raté. Oh, je m'en veux. Si j'avais su, je serais pas venu vous voir. Comme ça, j'aurais gardé mes illusions. Mais au fait, c'est vrai? Pourquoi êtes-vous ici? Ah oui, j'étais venu vous demander si vous pouviez pas m'écrire un petit mot d'excuse pour mon chef. Parce que je suis employé à la BLDI. Je sais. À l'agence H. Oui, je sais, vous l'avez dit ce matin au journaliste. Oui. Alors si vous pouviez m'écrire un petit mot, ça serait gentil. Je vais vous écrire ça tout de suite. Vous appelez comment déjà? Roussel, Auguste. Si vous avez... Parce que mon chef, c'est pas qu'il soit méchant, seulement il est service. Pardon. Permettez? Pardon. Et il a raison, parce qu'un chef, sitôt qu'il est un peu faible, après tous les employés, ils en abusent. Alors, comme j'avais dit que j'arriverai avant midi... J'ai des frissons. Ça va comme ça? Je prendrai un grand garde-standard, merci. Je suis signé Françoise Martin. Reconnais que M. Auguste Roussel s'est courageusement jeté... Oh! C'est gentil d'avoir écrit courageusement. Ah, c'est... D'autant plus que vous ne le pensez pas. Ça ne coûte pas plus cher. Vous mettez 2 heures, moi, courageusement. Il faut pas. Moi, j'en mets qu'un. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il lui plaît. Comme ça, votre chef ne vous fera pas de reproches. Je vais être affiché au tableau d'honneur de la BLDI. Acte de probité et de civisme du personnel. J'ai déjà été affiché une fois, pour le coup du portefeuille. Puis ils m'ont enlevé le soir même. À cause de la perte du client. Puis maintenant, je vais être affiché pour un faux sauvetage. Je peux pourtant pas aller leur dire que c'est de la mise en scène. Oh non, ça y vaut mieux pas. Vous pourrez pas comprendre. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Vous m'en voulez toujours autant? Un petit peu, oui. Votre stylo. Merci. Je tenais à vous dire avant de partir que si j'ai plongé, c'est pas simplement pour montrer que je savais nager. Ah non? Mais alors pourquoi? Parce que quand je vous ai vu enjamber le parapet, j'ai dit que voilà une jeune femme qui est trop jolie pour mourir. Mais monsieur Roussel, mais c'est gentil. Vous n'en avez pas l'air, mais vous savez parler aux femmes. C'est bien la première fois qu'on me dit ça, alors. C'est vrai, vous m'en voulez moins? Vous êtes tellement sympathique que je crois que je vous en veux plus maintenant. Dites, j'aurais voulu vous poser une question. Pourquoi voulez-vous tant être connu? Ben pour faire du cinéma. Ah, mais moi, je croyais que d'abord, on faisait du cinéma et qu'on était connu ensuite. C'était ainsi autrefois, mais tout a changé maintenant. Pourquoi vous donnerait-on un rôle si personne ne vous connaît? Ah oui, ça, c'est évident. Et pour vous, le cinéma... C'est une vocation. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'une vocation. Si. Moi, quand j'étais petit, j'avais la vocation de vouloir être soldat. Parce que dans notre salle à manger, j'ai passé ma vie à déjeuner devant mon grand-père. Il était encadré en face de moi. Il était un soldat, un bel uniforme, altier. Il était zouave. Comme celui du pont de l'Alma. Ah, ce pont de l'Alma, toutes les fois que je vais y passer, je penserai à vous avec des remords. Avec plaisir aussi, j'espère. Bien sûr. Et j'y passe 4 fois par jour. Voilà. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Voilà. Mais... Bon, mademoiselle. Et vous tremblez? Oh, c'est rien. C'est de froid, comme Bailly. Bailly? Bailly, un savant. Pendant la Révolution, il était maire de Paris. Alors, pour la peine, on lui a coupé la tête. Alors, devant l'échafaud... Le bourreau, comme ça, pour le narguer, il lui a dit « Tu trembles, Bailly !» Et il a répondu « C'est le froid !» C'était bien envoyé, hein. Ça lui a quand même fait 25 000 francs. À qui? À celui qui a trouvé ça qui tout double la semaine dernière à la radio. Au revoir, Manuel. Tiens, vous êtes encore là, vous? Oui, je vous attendais. Pour me dire quoi? T'es pour vous dire au revoir. Eh ben, au revoir. Au revoir, monsieur. Et excusez-moi de vous avoir sauvé la vie. Quel imbécile. Je le trouve gentil. Oui, c'est ça, c'est un imbécile gentil. Je crois que c'est la pire des qualités chez les imbéciles, la gentillesse. J'apporte les journaux du soir. Fais voir. Tiens, regarde. Quoi? Une photo d'Auguste sur 4 colonnes et en plus d'un François? Et regarde dans Paris Presse, oh, mais... regarde, 6 photos, tout le film du sauvetage. Un employé de banque sauveteur d'une jeune désespérée, félicité par le président de la République. Oh, sur trois colonnes. Non, oh non, non, il n'y a pas une seule photo où l'on m'aperçoit. Ah, c'est insensé. Il a dû avoir un de ses coups de piston, ce Roussel, avec c'est son air d'abruti. Allô, la rédaction? Passez-moi Léo Clair, s'il vous plaît. Oui, c'est le metteur en page. Je voudrais quand même savoir ce que ça signifie, ces quatre colonnes en première page. Allô, Claire! Bonjour, mon cher, ici c'est Flower. Comment ça va? Bien, bien, et vous? Dites-moi, mon cher, je viens de voir ton édition. C'est formidable ce que vous faites pour cette histoire du pont de l'Alma. Hein? Et donc, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je peux te demander pourquoi vous lui faites tout ce retentissement? Hein? Ah! Ah oui, oui, oui, je comprends, bien sûr, oui. C'est ça. Bon, merci, mon cher, à bientôt. Alors? Eh bien, c'est tout simple. Touraine les avait prévenus que la princesse du Liechtenstein devait accoucher ce matin, et ils avaient gardé quatre colonnes en première page. Au moment de boucler leur numéro, il n'y avait pas de prince et pas de princesse. Cette histoire est arrivée à point. À la place d'Henri ou d'Amélie, ils ont collé Auguste. Eh ben... Marilyn a téléphoné? Non, mais Carson a demandé que tu l'appelles. Ah, il était furieux. Non. Mais il n'a pas encore vu ça, alors. Il voudrait savoir ce que tu as décidé aujourd'hui pour Marilyn ou des fleurs de canard. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Regarde. Oh! Ils ont osé! Crois-tu, hein, c'est bien la peine que je renvoie une photo de Marilyn en exclusivité. Ils ont osé lui retoucher les seins. Eh oui, il y a des gens qui ne respectent rien. Oh. Quand elle va voir ça, la Marilyn, elle va tomber en syncope. Oui, mais il y a matière à procès, hein. Mais tiens, justement, appelle-moi le journal de la famille. Oh, c'est incroyable, ah, ça. Ah, oui. Ah, il y a aussi l'idiot qui a téléphoné. Quel idiot? Roussel. Ah. Enfin, Auguste. Allô? Ne quittez pas. Allô, la rédaction? Passez-moi Monsieur Castel, s'il vous plaît. Et puis, cesse de traiter Roussel d'idiot, hein. Quand on est devenu célèbre en 24 heures comme lui et que ça dure, on n'est plus un idiot. Je pense même que... Allô, Castel! Bonjour, ici c'est Flower. Dites-moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les seins de Marilyn Wood? Rien? Mais alors pourquoi les avoir ainsi retouchés? Vous les avez vus sur votre photo, ils sont méconnaissables. Alors ne vous demandez... Alors, justement, ils vont sûrement vous demander de dommages et intérêts. C'est ça, oui! Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Au revoir, monsieur. Que les vandales! Je t'appelle Carson. Oui, j'espère qu'il n'a pas encore vu la photo. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Roussel? Roussel, il a dit qu'il allait passer te voir. Ah bah tant mieux, ça tombe bien. Allô? Allô? Monsieur Carson? Allô, Monsieur Carson, bonjour, ici c'est Flower. Et comment ça va? Ça va bien, Larry? Vous avez lu le journal de la famille? Ah bah tant mieux! Ce qu'il y a? Ils ont retouché les seins de Marilyn, alors qu'elle ne les voit pas. Elle lit tout! Alors faites qu'elle ne soit pas trop fâchée, hein? Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui pour elle, les fleurs de canard. Ah, bon, voilà, oui. Eh bien, mon cher, j'attaque la guerre des nerfs. Tout le monde sont persuadés qu'ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Oui, oui. Alors, dès ce soir, je frappe un grand coup. Marilyn va au bal de l'opéra avec la célébrité du jour, Auguste Roussel. Ah, n'est-ce pas que c'est très bon? Oui, oui, oui, j'étais sûr que ça vous plairait. C'est ça, oui. Au revoir, mon cher, à bientôt. Ah, tu vois que tu avais tort de traiter Roussel d'idiot. Et Roussel est d'accord? Oh, bah alors ça, j'en fais mon affaire. Tu sais que c'est assez astucieux, cette soirée, Marilyn Roussel. Assez astucieux, en effet, et tu ne sais pas tout. Demain, j'envoie Flore de Canard à Longchamp avec le nouveau mannequin de chez Dior. Et là, le public se désole. Après-demain, je les envoie dîner à la Tour d'Argent. Et là, le public recommence à respirer. Dis donc, tu n'as pas peur que ce soir, Roussel passe un tout petit peu inaperçu quand même? Ouais, tu as raison. Alors, pour plus de sécurité, j'enverrai Flore de Canard leur faire une petite scène de jalousie vers les 2h du matin. Ah, ben ça, c'est très bien, ça. Très bonne idée. Pardon si je vous dérange. Oh. Mais pas du tout, mon cher Roussel, pas du tout. Mais comment vous portez-vous? Ah, ça va mieux. Voyez, ma première visite a été pour vous. Oh, c'est ah, gentil. C'est gentil. Et il m'a apporté des fleurs. Oui. Oh, écoute, je suis très touchée. Il ne fallait pas. Je vais les mettre dans mon bureau. Alors, mon cher Roussel, on est complètement retapé, hein? Ah, oui, on peut dire que vous nous avez inquiétés, vous. Ah, ben, dis donc, c'est que j'ai été secoué. J'ai été secoué. Pardon. J'ai attrapé, c'est une nouvelle maladie que j'ai attrapée. Sans blague. Une double bronchopneumonie pulmonaire foudroyante. Ouh là là. J'ai dû attraper ça en sortant de l'eau pour moi. Ah, oui. Quand le président de la République me serrait la main, ça en finissait plus. C'est quand je suis sorti de chez vous, l'autre jour, je claquais des dents. Ah, oui. Quand je suis arrivé à la banque, vite, ils ont téléphoné à l'hôpital. J'avais une fièvre de cheval. Ah, je sais, oui. Vous aviez 44 dixièmes. Ah oui. Mon beau-frère m'en a parlé. Ah, oui, oui. Mais il en a acheté toute une collection. À chaque édition, on publiait votre température. Hein. Ah oui. À la spéciale dernière, vous aviez 43 dixièmes. À la spéciale résultat des courses, votre état s'était maintenu. Et à la toute spéciale dernière, vous étiez remonté à 44 dixièmes, dedans. Mais ça pouvait intéresser les lecteurs, ça. Mais ça intéressait toute la France. Pendant 5 jours, nous avons suivi chaque round de votre combat contre la mort. Ses améliorations, ses aggravations. Tenez, ce fameux remède miracle qui n'existait qu'en Amérique et qu'il a fallu faire venir spécialement par avion. Vous en souvenez, oh là là. Hein? Eh bien, croyez-moi, nous avons suivi cet avion escale par escale. Tout le monde se demandait s'il allait arriver. Et puis un jour, la grande nouvelle est arrivée. Vous étiez sauvé. Ce fameux médicament. Eh oui. Ils ont su le lendemain qu'il y avait le même à Maison Alfort. Les journaux, la radio, la télévision, tout le monde parlait de vous, hein? Ah oui, c'était la gloire, quoi. Oh, vous vous moquez de moi. Mais pas du tout, mon cher, pas du tout. Faut dire que les journalistes n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Pas de crise ministérielle, pas de Spoutnik, le petit prince du Liechtenstein qui s'obstinait à ne pas naître. Et on a su plus tard que c'était une grossesse nerveuse. Oui. Oh, c'est malheureux. Ah non, croyez-moi, votre aventure était pour eux un très très beau sujet. Et mademoiselle Françoise Martin, elle va bien? Ah, très bien, je vous remercie. Elle n'a pas eu de congestion pulmonaire, hélas. Oh, comment pouvez-vous dire ça? Ah, j'aurais donné 1 million pour que ce fût elle qui soit malade. La publicité aurait été pour elle. Je vois ce que j'en aurais tiré. Une photo d'elle sur son lit d'hôpital, avec vous, le sauveteur, à ses côtés. Oh. Mais elle a été photographiée comme ça avec moi. Oui. Quand elle est venue me voir à l'hôpital, elle est venue m'apporter des oranges. Elle était avec un photographe. Ah, je sais, oui, la photo a paru. Malheureusement pour elle, elle est en profil perdu. C'est vous qui êtes de face. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Hein? Vous savez que je lui ai téléphoné ce matin. Ah, bah vous ne perdez pas votre temps. Ah, bah dites, c'est que faut que je retourne à la BLDI. Oui. Mes 3 semaines de congé sont terminées, faut pas abuser. Non. Puis je suis très très content. J'ai reçu une très bonne nouvelle ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été nommé aux opérations de bourse. Très très grosse responsabilité. Ah, oui. Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour Mademoiselle Françoise. C'est gentil d'être venu. Bah, puisque vous me l'avez demandé ce matin. Petit cachotier, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez rendez-vous avec Françoise. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Parce que tu sais, j'ai rencontré Léonie, oui. Rédacteur en chef de la Marque Chrétienne. Monsieur Roussel. Oui. Bah, ne partez pas. Non, non, restez, ça vous intéresse. Non, mais je reviens tout de suite parce que. Il veut publier l'histoire de mon suicide, selon lui, elles vont au moins 4 pages. 4 pages? Ah, dis donc, c'est beau, 4 pages. Surtout que la Voix Chrétienne tira plus de 150 000. Léonie m'a expliqué qu'il voulait publier un conte moral sur les jeunes filles d'aujourd'hui qui croient que le vrai bonheur est de faire du cinéma et qui un jour tombent dans le désespoir. Ah, oui, oui, oui, je vois le genre. Je ne l'apprécie pas, mais on n'a pas le droit de négliger 4 pages. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Le papier est plus là. Voilà. C'est pour vous, mademoiselle Françoise. Ça, c'est mouillé. Il est allé le rechercher à Jeanne qui avait cru qu'il était pour elle. C'est mouillé, ça allait le mettre dans son pot. Merci. Elles sont très jolies. Je les mettrai dans ma chambre. En attendant, comme elles sont un peu humides. Oui, oui. Je sais pas, t'as pas un pot, là? Non, j'ai... Je vais aller le reporter dans le pot à madame Jeanne. Il est inouï. Il est touchant. Ouais. Bon, revenons à Léonie. Oui, alors ce qui lui a paru bon pour ses lecteurs, c'est mon sauvetage par un garçon simple, honnête, courageux, enfin par un de ceux, c'est la formule qu'il a employée, ouais. Qui ont choisi l'obscurité, mais qui ont gardé le sens des vraies richesses. Ce qui fait que vous êtes encore dans le coup, mon vieux. On va parler à nouveau de vous. Moi? Oui, vous y voyez un inconvénient? Ben, à vous parler franchement, j'aimerais autant qu'on ne parle plus jamais de moi. Mais sans vous, cette histoire est beaucoup moins morale et la Voix Chrétienne risque de ne pas la publier. Monsieur Roussel... Vous ne pouvez pas encore me faire rater cette chance. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse encore? Une chose très simple, racontez votre vie. Mais à qui? À un journaliste. Mais oui. Oh, c'est délicat. Vous n'avez pas remarqué, mais moi, je suis un peu timide. Oh, monsieur. Mais les vrais héros sont toujours discrets. Monsieur Roussel, oui. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit aussi de mademoiselle Françoise, à qui vous avez fait beaucoup de tort. Dites, si vous vous adressiez à mon beau-frère... Oh. Parce que j'ai un beau-frère, à Sucy-en-Brie, qui est très intelligent. Bon. Il est volubile, il a l'habitude de voyons, parler... Voyons, mon cher, parlons net. Vous avez peur de dire des bêtises? Voilà. Eh bien, c'est un scrupule que je comprends et qui vous honore. Bon, si vous voulez, je recevrai ce journaliste à votre place, ça va? Ah ben, je préfère... Et voilà, ça. Vous n'avez qu'à raconter votre vie à monsieur Flower, et il se chargera de la répéter. D'accord. Ça me sied. Alors, je vous écoute. Je vous écoute. Racontez-moi votre vie par le commencement. Tout de suite, là? Ne perdons pas de temps. Je suis né... Ah, attendez, monsieur Roussel. Monsieur Roussel, nous devons tenir compte de ce fait. Ce n'est pas à ce journaliste que nous allons raconter votre vie. Ni à ce reporter, ni à Léonie, mais aux lecteurs de Léonie. Et les lecteurs de Léonie ont des idées, des opinions et des goûts. Et les articles que lui propose Léonie doivent tenir compte des idées, des opinions et des goûts de ses lecteurs. Hein? Mais si ma vie ne correspond pas aux goûts et aux idées de ses lecteurs... Eh bien, l'article sera mauvais et Léonie ne le publiera pas. Oh non! Il m'a promis 4 pages, il faut qu'il me les donne. Mais rassure-toi, Françoise, nous allons nous y employer. D'ailleurs, c'est tout bête. Il suffit de raconter votre vie à ce journaliste en tenant compte des idées, des opinions et des goûts de ses lecteurs. C'est tout? Voilà. Bon, alors vous disiez... Ah oui, j'en étais resté là, hein, oui. Je crois. Je suis né... Attendez, monsieur Roussel! Je crois que j'ai trouvé quelque chose de meilleur, oui. Ce qu'il serait bon pour Léonie, c'est que pendant toute votre vie, vous ayez été accablé par des malheurs. Ah, et pourquoi? Mais parce qu'un homme qui aurait toutes les raisons d'être aigri et qui malgré tout a gardé l'amour de son prochain au point de se jeter à l'eau pour le sauver, pour les lecteurs de Léonie, c'est excellent. Là, voyez-vous, nous pourrions commencer par dire que vous avez à la BLDI une situation médiocre et très en dessous de vos possibilités. Ah, mais ne marquez pas ça. Mais pourquoi? J'ai une très très belle situation à la BLDI. Je suis à l'agence H, une agence de fin de carrière. J'ai le mois double, les gratifications, indemnité de transport. Je suis à l'indice 287. Si jamais vous écriviez ça, j'aurais des ennuis. Mais vous êtes extraordinaire, vous. Hein? Vous ne pensez qu'à vous. Vous pourriez tout de même penser un peu à mademoiselle Martin, tout de même. Mais je pense beaucoup à mademoiselle Françoise Martin. Mais je ne vois pas en quoi cela lui rendrait service qu'on écrive dans un journal que j'ai une mauvaise situation à la BLDI. Mais Léonie en sera ravie. Et pourquoi? Mais parce que pour ses lecteurs, c'est bon. Ah ben oui, mais pour moi, à la banque, c'est mauvais. Moi, je connais le directeur, il sera fou furieux. Vous me rendriez un si grand service. C'est mademoiselle Martin qui vous le demande. Vous disiez que vous feriez tout pour favoriser ma carrière. Vous ne nous ferez pas croire que vous êtes un homme qui ne respecte pas sa parole, tout de même. Vous savez très bien que pour moi, le cinéma, c'est une vocation. Et vous ne pouvez pas contrarier ma vocation. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte des propos que vous voulez me faire tenir. Enfin, écoutez, allez dire que j'ai une mauvaise situation à la BLDI au moment où je passe aux opérations de bourse. Mais si, je me rends compte, au contraire. Je sais que je vous demande un grand sacrifice. Mais c'est parce que je vous considère... comme un grand ami. C'est vrai? Dites-le. Merci, monsieur Roussel. Je savais que vous étiez un homme de cœur. Bon, alors c'est très bien. Maintenant, je vous en prie, veuillez continuer vos confidences. Alors, vous me disiez... Je suis né... Attendez! Je crois que je tiens une meilleure idée. Pendant votre enfance, vous avez été gravement malade. On a failli vous perdre. Non, ouais, j'ai jamais été malade. On vous le fait exprès. Oui. Jamais rien eu. Je crois que j'ai eu une petite varicelle de rien du tout. Ah, ben voilà, vous avez quand même eu la varicelle, une fois. Oui, mais c'était une petite, toute petite, de rien du tout. Mais on n'est pas forcé de dire que c'était une petite varicelle de rien du tout. Il y a des formes de varicelle très graves. Non, mais vous vous souvenez des médecins, les hommes en blanc qui tournaient autour de votre lit, bouleversé par la courbe de votre fièvre? Ah non, ça c'est dramatique, vous comprenez. Mais pourquoi voulez-vous absolument que j'ai été malade? Vous ayez été malade ou non, ça m'est complètement indifférent. Mais Léonie en sera ravie. Mais il m'en veut, ce Léonie, hein. Mais au contraire, pour ses lecteurs, c'est bon. Et vous seriez contente de savoir que j'ai été malade? Très. Disons que j'ai été malade. Très bien. Vous avez été si malade que vous avez été obligé d'arrêter vos études, ce qui nous fait de très jolies scènes à raconter. L'adieu du maître au meilleur de ses élèves, arrêté au seuil d'une carrière étincelante, les petits cadeaux des camarades. Ça, c'est excellent, vous comprenez ça? Ça, c'est humain. Oui, mais moi, j'étais à l'école communale et j'étais toujours le dernier de la classe. Monsieur Roussel, ne chicanez pas sur des détails, je vous en prie. Bon, s'il vous plaît, asseyez-vous et continuez vos confidences. Vous disiez que vous étiez né où? Ben, asseyez-vous, vous en avez peur ou quoi? Voilà, vous êtes bien. Vous pouvez même vous tourner sur moi, c'est ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être dans des jolis bureaux comme ça. Bon, alors, s'il vous plaît, je vous demande, vous étiez né où? Vous êtes hein? Je suis né... Attendez! Mais je crois que je tiens la meilleure idée, mais oui. Alors là, vous allez être épaté, hein? Alors là, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Vous avez été orphelin. Ah, génial. Je vous en supplie, ne me coupez pas. Vous avez été orphelin très jeune. Vous avez été dans un orphelinat très jeune. Disons, l'orphelinat de Saint-Mandé. Voilà, ça fait plus authentique. Vous aviez là une bonne sœur, admirable. Sœur Félicité, oh, une sainte, une sainte. Monsieur Flo. C'est elle qui vous a appris qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, au risque de perdre sa vie pour lui. Et vous ne l'avez jamais oublié. C'est elle qui vous a appris à nager. C'est elle. Et vous en avez une foule de souvenirs. Mais oui, une foule de souvenirs. Vous vous rappelez les tristes soirées d'hiver passées dans les dortoirs glacés, les promenades du jeudi, les files d'orphelins habillés comme des souris, encadrées par les bonnes sœurs à cornettes. Oh, c'est vécu. Non, mais... Mon cher, je crois que nous avons mis le doigt dans le mille. Vous avez été orphelin. Je ne dirai jamais que j'étais orphelin. Oh. Ah, écoutez, monsieur Roussel, Georges vient d'avoir une idée sensationnelle, vous n'allez tout même pas la gâcher. Enfin, Léonie sera si content. Mais je m'en fous, moi, de Léonie. Et pourquoi Léonie serait contente de savoir que j'étais orphelin? Mais parce que pour ses lecteurs, c'est bon. Je ne dirai jamais que j'étais orphelin. Mais pourquoi ne le diriez-vous pas? Pensez à la tête de mon père et de ma mère quand vous avez... Ah, vous ne me facilitez pas la tâche, hein? Je ne sais pas, moi... Étiez-vous malheureux, au moins? J'étais gâté. Je me souviens avec mon beau-frère, on allait... Alors, une fois, il y a eu une petite anecdote. Ça pourrait peut-être vous intéresser. On ne sait jamais. Ça a fait un scandale à Sucy-en-Brie. Oui. Mon beau-frère, qui n'était pas encore mon beau-frère, parce que je le suis toujours, il a une grande personnalité, on était gamin, on avait été voler des fraises. Ah oui, alors là, aucun intérêt, mon vieux. Il va falloir renoncer à cette idée. Oh, c'est dommage. Bah oui. Tu n'en trouveras pas de sitôt une aussi bonne. Et si... Si quoi? Si vous les mettiez dans le secret, vos parents, dites-leur qu'il s'agit d'une plaisanterie. Ah, oh, c'est gênant, enfin, c'est délicat d'aller expliquer à ses parents qu'on est orphelin. Vous avez l'air d'avoir un beau-frère dégourdi, il n'a qu'à s'en charger. Mon beau-frère. Attendez. Est-ce que vos parents lisent La Voix chrétienne? Non. Alors, La Voix chrétienne peut donc écrire que vous avez été orphelin et ils n'en sauront rien. Oui, mais il y a des voisins, des amis qui peuvent lire l'article et le rapporter. Mais si des amis lisent un article à propos d'un Roussel orphelin, ils penseront tout naturellement qu'il ne s'agit pas de vous. Mais il y a le sauvetage. C'est qu'on en a parlé du sauvetage à Sucy-en-Brie. Il y a le maire, il a fait un vin d'honneur pour fêter ma convalescence. Ah, vous vous y employez, vous, hein? Vous vous y employez à votre publicité. Vous pourriez tout de même penser un peu à Mademoiselle Martin, tout de même. Moi? Votre sauvetage, vous l'avez que ça à la bouche. On ne vous l'avait pas demandé, ce sauvetage. Ça. Pour reconnaître, on ne me l'avait pas demandé. Eh ben alors! Maintenant que vous avez fait la gaffe, ne vous empêchez pas de la réparer. Monsieur Roussel, vous ne voulez pas être orphelin? Même pour me faire plaisir? Oh, je peux pourtant pas les tuer, mon père et ma mère, pour vous servir. Monsieur Flaubert, si je vous proposais, par exemple, une enfance de pauvre... Ah oui, évidemment, mais enfin c'est moins bon. Avec les privations, le foyer sans feu, oui, bien sûr. Est-ce que votre père buvait? Oui. Ah! Il buvait de l'eau. Alors nous pourrions dire que pendant les rudes hivers, il n'y avait que de l'eau dans vos baraquements, de l'eau. Ah non, de l'eau. Logement gentil. Ah ouais. Bon, enfin, nous dirons des baraquements, ça fait plus. Bon, d'accord. Non, non. Un débaraquement, de l'eau qui gelait, que vous étiez obligé de casser avec un petit marteau pour manger la glace. Ah, j'ai une petite anecdote qui. Là, vous allez être content. Ben, j'espère. Alors. Les lecteurs vont être ravis. Oui. Léonie, il va sauter de joie. J'ai beaucoup souffert un jour dans ma jeunesse. J'avais 7 ans, j'ai souffert. Parce qu'en trottinette, je me suis cassé la jambe. Ah, oh, mais c'est peut-être intéressant, ça, Georges. Oh non, non, non, il faudrait quand même pas que ça fasse trop. Je ne voudrais quand même pas faire rire. Hein. Tu vois, Françoise, ce qu'il nous manque, c'est le petit détail qui fasse vrai. Enfin, j'essaierai de le trouver. Mais au fait, nous ne savons toujours pas où vous êtes né. Je suis né. Non, mais écoutez, mon cher, ça va très bien. Ça va tout à fait très bien. Je crois que nous tenons un article formidable. Ben, il sera peut-être formidable, mais il n'y aura absolument rien de ma vie. Enfin, écoutez, ce n'est tout de même pas à moi que vous allez apprendre comment on raconte sa vie à un journaliste, hein. Et d'ailleurs, ce soir, monsieur Roussel, nous avons autre chose à faire. J'ai organisé votre soirée. Monsieur Roussel est invité au bal de l'opéra. Merveilleux! Vous êtes d'accord pour y aller? Ah, bien sûr. Oui. Françoise, je crois que tu te trompes. Ce n'est pas avec toi que Monsieur Roussel ira au bal de l'opéra. Tu n'es pas encore une vedette. Et le héros du pont de l'Alma ne peut aller en soirée qu'avec une étoile de première grandeur. Marilyn Wood. Ah, très bien. Tu vois, Georges, je trouve cette idée beaucoup moins bonne. Je te dirais même, je la trouve tout à fait... stupide. Bon, ben, d'accord. Elle n'a pas l'air d'être contente. Aucune hein. importance. Mon cher, merci d'aller au bal de l'opéra. Ah oui, mais enfin, j'avais accepté, pensant oui. que c'était Mademoiselle Françoise Martin, mais maintenant que c'est plus elle, je ne pense pas que je puisse dire oui. Et pourquoi? Parce que je ne voudrais pas lui faire cet affront. Et vous préféreriez faire l'affront à Marilyn Wood? Oh, mais Marilyn Wood, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas non plus. Mais justement, pour faire votre connaissance, elle a refusé de sortir avec un général, un académicien et un auteur. Alors? Oh, alors... Oh, vraiment, sincèrement, je suis très ennuyé. Je me demande qu'est-ce que je vais faire. Mais moi, je le sais ce que vous devez faire, monsieur Roussel. Allez au bal de l'opéra avec Marilyn. Ah, non, oui. Croyez-moi, un homme normalement constitué n'a jamais refusé d'aller au bal avec Marilyn. Oui, alors, d'accord, de ce côté-là, mais je voudrais pas... Je voudrais pas vexer Françoise Martin. Oh, évitez de penser toujours à elle qui ne pense pas à vous, mais uniquement à elle, croyez-moi. Oh, ben, je pense qu'elle pense un peu à moi aussi, puisque... Oui. Tout à l'heure, quand je lui ai offert le bouquet de fleurs, je l'ai vu, elle était très émue. Bon, monsieur Roussel, je vais vous faire une proposition. Oui. Si Françoise a laissé vos fleurs, vous allez à l'opéra. Oui. Si elle les a emportées, vous n'y allez pas. D'accord? Ah ben, d'accord, alors là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Jeanne? Il y a des regards de femmes qui ne trompent pas. J'ai bien vu comme elle était... Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, ben c'est d'accord. C'est convenu. J'irai au bal de l'opéra. Enfin, monsieur, expliquez-moi comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que je vous dise, moi? C'était 2h du matin, à l'opéra, très chic. Toutes les dames en robe de soirée, des lumignons partout, c'était bien, j'étais gêné, j'étais là, mais enfin, j'essayais d'avoir bonne contenance. J'étais à côté de Marilyn Wood, très gentille, nous sympathisions. Elle parlait anglais, moi je parlais français, enfin, on s'entendait très bien. D'un seul coup, il y a un monsieur qui arrive, il avait fait du bruit, je l'avais déjà remarqué. Il est arrivé et il a parlé à Marilyn Wood d'un ton qui ne me plaisait pas. Alors, comme j'étais son cavalier servant, je lui ai dit, monsieur, veuillez s'il vous plaît nous laisser quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est? Il m'a poussé. Je lui ai dit, oh, oui, attention. Je l'ai repoussé. Il m'a repoussé. K.O. Et c'est après que j'ai su que c'était l'ambassadeur d'Argentine. Fleur de canard. C'est bien ce que je dis, vous êtes un type insortable. Mais enfin, je ne sais pas moi, vous aviez donc fait de la boxe? Oui, un petit peu, à la salle de gymnastique de la BLDI. Mais c'est la première fois que je réussis un si beau KO, hein. Et vous me l'avez réservé. Je suis sensible de cette attention. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Pugilat à l'opéra, Marilyn déclare, Auguste est wonderful. Ah, dis donc, au fait, je voulais vous demander. Depuis ce matin, tout le monde me dit que vous êtes Vander... Wonderful. Qu'est-ce que ça veut dire? Wonderful? Oui. Ça veut dire fantastique, extraordinaire, sensationnel. Oh, oui, oh là, là, elle exagère quand même. Monsieur Renaud, voyez de là et là, tu lui as donné rendez-vous. Ah oui, bah, très bien, je le reçois tout de suite. Bon. Mon cher Auguste, prenez donc ces journaux et allez m'attendre dans la pièce à côté, s'il vous plaît. Hein? Je viendrai vous chercher si je veux. Oui, ben ça va comme ça. Quel imbécile! Les recettes de Marilyn montaient du tonnerre et d'un seul coup de poing de démolit tout. Ah, je me demande bien ce que je vais pouvoir raconter à Carson. Bon, vas-y, tu peux me faire rentrer ce monsieur. Bon, d'accord. Monsieur Renaud, voyez bien. Monsieur Favreur? C'est moi, monsieur. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Pardon, merci. Monsieur Flower, hier au téléphone, je préférais ne pas vous dire mon titre. Oui. Je suis depuis plus de 15 ans directeur des services de publicité de la BLDI. Ah. C'est amusant, n'est-ce pas, mon cher collègue? Je suis très honoré, monsieur. Oh, il n'y a pas de quoi, monsieur, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. C'est plus pour moi une situation qu'un travail, et entre nous, je le dois beaucoup à mon nom. Ah oui? Boyer de là. Renaud Boyer de là. Merci, merci. Monsieur Flower, depuis une quinzaine de jours, les journaux font grand bruit autour d'un employé de quatrième classe de notre agence H de l'avenue Rapp. Mmh. Monsieur... Monsieur Roussel. Roussel, c'est ça. Antoine Roussel. Non, Auguste. Pardon? Je dis Auguste, il s'appelle Auguste Roussel. Ah, excusez-moi, je savais qu'il avait un prénom d'empereur. Oui, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. En tout cas, bon, tout ce bruit à propos d'un geste dont il faut reconnaître la beauté, mais tout de même aussi... la banalité. Oui. J'avoue que pour ma part, je me serais intéressé plutôt à la ravissante désespérée. Ah. Vous la connaissez? Ah oui, très très bien. Oui. Tiens, mais c'est intéressant ça. Il faudra que je vous en reparle. Oui, bon. Bon, alors, comme je m'étonnais de tout ce battage autour de ce... Roussel, c'est ça, César Roussel. Non, Auguste Roussel. Ah oui. On m'a expliqué que vous étiez le grand responsable de toute cette campagne. Et c'est exact. Eh bien, monsieur, mes compliments. Oh, vos procédés sont efficaces. Ah oui. Ça, les journaux de ce matin sont une nouvelle preuve. Le coup de poing à la fleur de canage, c'est follement drôle. Oui. C'est une idée de vous? Très bonne idée, très bonne idée. Si, monsieur Blavard, si. Une des personnalités les plus influentes de notre conseil d'administration, monsieur Reynal, qui à 80 ans est resté un véritable enfant terrible. Très rigolo. A estimé que cette popularité de Dr. Roussel... Non, d'Auguste Roussel. Oui, enfin... Ce Roussel constituait pour la BLDI une publicité de premier ordre. Ah ben, après tout, c'est bien possible. Je ne vois pas comment, mais enfin, je veux bien, moi je veux bien. Bref, monsieur Reynal ayant réussi à convaincre le conseil, on m'a prié de prendre contact avec vous. Monsieur Boyer-Delin, voulez-vous que je vous parle franchement? Mais je vous en prie, monsieur. Eh bien, j'attendais votre visite. Pardon? Oui. Si j'ai entrepris cette campagne de publicité autour d'Auguste Roussel, c'est que je pensais que forcément, un jour, votre maison s'y intéresserait. Ah, eh oui, et là, M. Reynal avait mille fois raison. Ah, c'est votre avis? Bien sûr. Il est un fait certain que depuis 3 semaines, depuis le plongeon d'Auguste Roussel, on a parlé de la BLDI 10 fois plus, 100 fois plus qu'on ne l'avait fait depuis sa fondation en... 1852. Voilà, c'est voilà, vrai, voilà, c'est vrai, voilà. Mais c'est amusant, ça. Eh oui, et reconnaissez-le, rien ne permettait au public, a priori, de reconnaître la BLDI parmi le Crédit Lyonnais, la Société Générale ou le Crédit d'Escompte. Oui, c'est ça. Bon, vous étiez noyé au milieu d'un troupeau d'affaires. Oh. Et grâce à Auguste Roussel, quand on dit la BLDI, on sait exactement maintenant de quelle banque il s'agit. Mais c'est celle de... Jules Roussel. Non, d'Auguste Roussel. Oui. J'ajoute que non content de vous distinguer de vos concurrents, le public pense de vous, et toujours à cause d'Auguste Roussel, Tiens, voilà une bande qui sait choisir ses collaborateurs. Ben voilà. Des employés qui se jettent dans la Seine pour aller rechercher le passant doivent être très prévenants à l'égard de leurs clients. Et une banque qui sait s'attacher de tels gens est digne de confiance. C'est vrai, mais j'avais pas pensé à ça, moi. Voyez-vous, grâce à Auguste Roussel, la BLDI montre au public un visage franc, loyal et honnête. En un mot, une aventure humaine. Et croyez-moi, monsieur Boyer-Delin, rien n'est meilleur dans la publicité. Eh bien, c'est à peu près ce qu'avait dit monsieur Reynal. Mais vous l'expliquez mieux, monsieur, vous l'expliquez mieux. Cette fois, je crois même que j'ai compris. Voyez-vous, aussi longtemps que l'on parlera d'Auguste Roussel, la BLDI ne restera pas une banque anonyme. Eh bien, monsieur, c'est précisément le but de ma visite. Mmh. Je suis venu vous demander si vous accepteriez pour nous de continuer à faire parler de ce... D'Auguste Roussel. Mais certainement, monsieur, c'est mon métier. Mais oui. Seulement, vous disposez pour cette opération d'un budget important? Est-ce que 10 millions par mois vous paraissent une somme suffisante? 10 millions, mon Dieu, avec 10 millions, on ne peut pas s'attendre à faire des miracles. Non, hein. Non. Mais je crois que je pourrais quand même faire quelque chose de très bien. Ah. Vous serez content. Ah, on parlera d'Auguste Roussel tous les jours. Ah, tous les jours, je ne peux pas vous garantir. Ah, ça, c'est que M. Reynal veut qu'on parle de lui tous les jours. Écoutez, mon cher monsieur, pour qu'on parle de lui tous les jours, il faudrait le faire entrer dans la catégorie des gens dont on parle tous les jours, c'est-à-dire les princes, les stars ou les milliardaires. Mmh. Mais je ne vois pas comment on pourrait faire de Roussel un prince ou une star. Ben, hein? Non. Mais il serait peut-être possible d'en faire un milliardaire. Ah, vous croyez? Ah, oui. Oh, comme c'est rigolo, ça. Rien n'est plus facile que d'être milliardaire. Hein? Mais... on vous demande pas de présenter vos milliards. Non, c'est ça. Bon. Monsieur Roussel, monsieur Boyer-Delin, pardon. Demain, à la vente de la galerie Charpentier, Auguste Roussel achètera un Gauguin 40 millions. Ben oui, ça suffira à le faire classer parmi les milliardaires. Oui. Nous expliquerons ensuite sa fortune subite. Nous dirons qu'un des grands actionnaires de la BLDI, au moment de sa mort, a pris le beau geste d'Auguste et lui a légué toute sa fortune. Voilà. Et nous parlerons encore de la BLDI. Et dès lors, Auguste Roussel pourra fréquenter Longchamp, Maxime, Cannes. Oui. Mais et le tableau de 40 millions, alors? Eh bien, nous le revendrons plus cher aux États-Unis. Nous trouverons bien là-bas un autre Roussel. Ah, mais si nous le revendons à perte? Eh bien, la différence devra être portée à la rubrique frais de lancement. Mais naturellement... Eh ben voilà. Oh, mais voilà une idée qui va enchanter, monsieur Reynal, j'en suis sûr. Ben, j'espère bien. Si vous le connaissiez, il est amusant, c'est fou. Oui. Monsieur Flower, ce plan me paraît génial. Je tiens à vous dire mon admiration. Considérez l'affaire comme conclue. Ben, je vous remercie. Ah, bien entendu, tout ceci doit rester secret entre nous. La moindre indiscrétion ferait tout rater. Bon, alors ne m'appelez pas au téléphone, envoyez-moi un mot, je viendrai ici, n'est-ce pas? Bon, eh bien, monsieur Flower, vous avez dès à présent un compte de 10 millions ouvert à nos guichets. Eh bien, je vous remercie. Au revoir, monsieur Flower. Au revoir, monsieur. C'est par ici, monsieur. Ah, pardon. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. À bientôt. Jeanne, nous travaillons dorénavant pour la haute finance. Oh, bravo! Attends, il est midi moins 12, il nous reste 12 minutes. Logiquement, ça devrait bien marcher. Voici une photo d'Auguste Roussel. Tu descends en bas. Oui. Tu vas au présunique d'à côté et tu attends la sortie des petites commises à midi. Hein? Oui. Tu leur donnes les photos avec ordre de se précipiter sur Auguste pour lui demander des autographes. Ah. T'as entendu? D'accord. Bon, il est bien entendu que tu leur donnes un billet de 10 francs à chacune. Oui, hein? Ça va, t'as compris? Okay. Très bien. Alors maintenant, laisse-moi avec mon milliardaire. Entendu. C'est une catastrophe! Mais non, mon cher, c'est sensationnel! Vous avez lu les journaux? Mais... ils écrivent tous ce que vous avez dit à la voix chrétienne. Dieu, mais pas obéi, mais farfelin! Mais c'était si bon, je n'ai pas pu me retenir. Il n'y a absolument rien de ma vie là-dedans. Eh bien, ce sera votre légende. Ma légende? Mais oui, tous les personnages célèbres de nos jours ont leur légende de leur vivant. C'est nous qui les fabriquons. Vous? Mais oui, nous, les Public Relations. Oui, mais vous la fabriquez sans tenir aucun compte de la vérité. Eh bien, nous en créons une entièrement adaptée au goût du public. Dis, Georges, j'ai Sophia Marigny au téléphone pour le lancement de son film La Tigresse du Bengale. Ah oui, alors dis-lui qu'elle est la marraine du dernier lionceau né chez Bouglione. Oui. Baptême mardi dans la cage, en présence du père du lionceau, Sultan IV. Oui. Ah, dis-lui aussi que j'ai trouvé un curé ancien dompteur. Oh, quel drôle. Alors tu lui dis bien ça parce qu'elle va avoir une de ses frousses, la Sophie. D'accord. Monsieur Roussel... vous allez être un homme très occupé. Mais j'ai pris pour vous des centaines d'invitations. À partir de lundi, vous n'avez pratiquement plus une minute à vous. Lundi, eh ben, je pense bien, puisque je retourne à la BLDI. Je vais avoir beaucoup de travail, surtout que maintenant, je suis nommé aux opérations de bourse. Comment vous allez retourner à la BLDI? Ben oui. Non, mais écoutez, vous êtes devenu en 24 heures l'homme le plus célèbre de France. et vous allez retourner à la BLDI? Mais enfin, qu'est-ce que vous allez y faire à votre BLDI? Vous avez ces questions. Et je vais reprendre mon travail, parbleu. Alors vous allez vous réinstaller derrière votre guichet en toute simplicité, comme un inconnu, comme si rien ne s'était passé, alors que Marilyn vous trouve wonderful. George, Sophie demande si tu es sûr de ton curé ancien dompteur. Ça lui est complètement égal que ce soit un faux curé, mais elle tient beaucoup à ce que ce soit un vrai dompteur. Bon, c'est un vrai curé et c'est un vrai dompteur. Bon. Il a été aumônier chez les chasseurs de faux. Voilà, bien tu sûr. Vois, c'est ça. Non, monsieur Roussel, vous ne pouvez pas retourner à la BLDI, ce n'est pas possible. Vous rendez-vous compte? Dans une semaine, on n'entendra plus parler de vous, hein? Adieu la popularité, fini la gloire? Non, non, non, non. Tant mieux. Enfin, écoutez, il y a des gens qui dépensent des millions pour être célèbres. La popularité, c'est un capital énorme. Ce capital, vous l'avez, vous n'avez pas le droit de le perdre, et puis c'est tout. Mais moi, je veux pas être célèbre, moi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse encore? Bon, écoutez, alors je vais vous faire une proposition, hein? Très simple. Si vous ne retournez pas à la BLDI, je vous offre 500 000 francs par mois. Ça va? Pourquoi vous plaisantez, gros? Ben, je ne plaisante pas. Je vous offre 500 000 francs par mois si vous ne retournez pas à la BLDI, c'est tout. 500 000 francs par mois? Oui. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ben oui. C'est sérieux? Bien sûr. 500 000 francs. C'est exactement 4 fois ce que je gagne à la banque. Mais pour longtemps? Oh, une personnalité célèbre bien administrée peut durer toute une vie. 500 000 francs. Mais on doit avoir des frais, alors. Mais ils seront pour moi. Oh, ben, en effet, dis donc, avec une telle paye, on peut faire des économies. Ah, ouais. Il n'y a pas de retraite. Oh. Mais admettons que j'accepte. Oui. En quoi consisterait mon labeur? Eh bien, vous êtes une personnalité célèbre. Tout ce que je vous demande, c'est de le rester. Mais c'est pas un travail, ça. C'est peut-être pas un travail, mais je vous garantis que c'est une occupation, hein. Si vous saviez le temps que ça prend quand on veut faire parler de soi. Oui, mais justement, je ne veux pas qu'on parle de moi. Oh, ben oui, ben, George, oui. Sophie demande si le lionceau est bien le fils du lion qui a dévoré son dresseur. Oui, c'est pour ça qu'il a de l'intérêt. Bah oui, mais alors dans ce cas-là, elle demande si on n'aurait pas pu baptiser une otarie ou un petit pingouin. Oui, alors écoute, hein, ouais, alors à la Sophie, tu lui dis ça va comme ça. Ça va bientôt être fini avec elle. C'est pas possible, une otarie ou un pingouin. Monsieur Roussel, vous vous demandiez comment faire parler de soi. Eh bien, si vous le voulez, ce lionceau n'aura pas une marraine, mais un parrain, vous! Ah non, mais... Ah, non, ça va. Je vous vois très bien avec le petit lionceau dans la cage avec les autres qui vont rugir autour de vous. Non, ah, non, non, écoutez, maintenant je préfère les grilles de mon guichet à la BLDI. Non, au revoir, monsieur Robert, vous ne me reverrez plus. Adieu. Auguste! C'est toi que je cherche! Mon bon frère, Albert! C'est ta concierge qui m'a dit de venir voir. Excusez-moi, monsieur, d'entrer comme ça, mais la porte était ouverte. C'est mon beau-frère de Sucy-en-Brie. Albert Chevalier, garagiste à Sucy-en-Brie, le garage de la place. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Sacré Auguste, va. Mais on a lu les journaux, là-bas. Ah, on peut dire que tu es devenu célèbre. C'est la gloire. Mes félicitations. Ah, j'avais jamais douté de toi, Auguste. Voilà, si je suis venu à Paris, c'est que j'ai une idée formidable. Je te ramène à Sucy. Jeudi, tu vas présider l'inauguration de notre semaine commerciale. Ce sera excellent pour notre publicité. Seulement, je devine qu'avec tout ce qui t'arrive, tu vas être très occupé. Alors, j'ai voulu t'en tenir tout de suite. Ce sera sensationnel. Qu'en pensez-vous, monsieur Flower? Ça, oui, je suis de votre avis. Ce sera sensationnel. Et bien sûr, je vais m'y attendre. Nous allons faire des jaloux. Surtout à Sucy. Mais entre nous, tu es maintenant le plus glorieux des enfants de la ville. Il est même plus connu que Tchaïkovski. Tchaïkovski? Le footballeur. Le demi-hel de Strasbourg. Il est né à Sucy-en-Brie. À Sucy, il a sa photo dans tous les cafés. Mais aujourd'hui, Auguste lui est passé devant. Ah, vous avez lu l'article sur le journal de midi? Oui, bien sûr, j'ai lu. Ben, j'en avais la larme à l'œil. Vraiment? Ça me rappelait tant de vieux souvenirs. Mais tout ça ne m'a pas étonné. Non. J'ai toujours été persuadé qu'on pouvait écrire des articles formidables avec la vie d'Auguste. Moi, vous comprenez, je l'ai connu tout jeune. J'ai vu mourir son père et sa mère. Mais si! Il n'était encore qu'un gamin. Il fallut le mettre à l'orphelinat. À Saint-Mandé. Ah, je me souviens. Les longues files d'orphelins, les cornettes et les bonnes sœurs. Je lui ai apporté des oranges. Mon Dieu, Albert. Alors, si je comprends bien, vous étiez comme son tuteur, alors. Ah, ben, c'était la moindre des choses. Ouais, ben, oui. À partir de là, sa santé devint délicate. Il attrapa toutes les maladies. La typhoïde, la coqueluche, la scarlatine, tout. Je peux vous le dire, moi, je le soignais. Albert, je t'en prie. Mais il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, et sa varicelle. Une varicelle, monsieur, en disent rien du tout. Eh bien, la varicelle d'Auguste fut terrible. Ah, nous en avons eu des moments pénibles. Il a dû abandonner ses études. Un enfant intelligent. Toujours le premier. Mais vouliez-vous qu'il fasse, hein? Un jour, il a trouvé une situation médiocre en la BLDI. Dis donc, Albert, je m'excuse de te couper, mais tout ce que tu racontes là, monsieur Flaubert, lui, il le sait par cœur. Vous l'avez lu sur le journal? C'est ça, voilà. C'est admirablement raconté. Je ne sais pas qui l'a renseigné, le journaliste, mais je n'aurais pas pu lui donner plus de détails. Je n'en suis pas si sûr que vous. Et aussi, je dis, on va te faire une réception grandiose, avec le maire, le comité des fêtes, Miss Sucy-en-Brie, la philharmonique et tout. Là, il sera récompensé. J'espère que son directeur lui laissera prendre sa journée. Son directeur? Quel directeur? Le directeur de l'agence H, Avenue Rapp. Jeudi prochain, M. Roussel retourne derrière son guichet. Non. Ouais. Il plaisante. Oui, il ne plaisante pas du tout. Je retourne à la BLDI. Quoi? Marilyn te trouve wonderful et tu retournerais à la BLDI? Et qu'est-ce que je fasse, hein? J'en étais sûr. Mais alors tu ne changeras jamais. Tu ne pourras jamais faire les choses comme tout le monde. Mais enfin, voyons, Auguste, tu n'y penses pas. Mais tu n'as pas le droit de retourner à la banque. Et pourquoi? Parce que quand on a été malheureux comme toi toute sa vie et que le destin vous offre une revanche, on n'a pas le droit de ne pas la rendre. Parce qu'après tout, à la banque, tu n'as qu'une situation médiocre, imposée par ta santé déficiente. Mais tout mal, Albert, je t'en supplie, un peu de calme. Tu sais bien que tout ça, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais je le sais bien, moi. Et puis d'abord, c'est sur le journal. Non, non, Auguste, tu n'iras pas à la banque jeudi. Mais tu ne peux pas faire ça au comité de la semaine commerciale. Mais c'est un événement considérable. Mais dites-lui qu'il ne peut pas rater ça. Mon cher, il va rater beaucoup plus que la semaine commerciale de Sucy-en-Brie. Il va rater des manifestations très importantes, telles que le gala de l'Union. Il était invité au gala de l'Union? Et au gala des ambassadeurs. Le gala des ambassadeurs. Ainsi qu'au festival de Cannes. Le festival de Cannes? J'ai Carson au bout du fil, il a quelque chose de très important à te dire. Ah bon, je le prends tout de suite chez toi. Excusez-moi, je reviens. Auguste, il faut que je te parle sérieusement. Tu ne peux pas retourner à la banque. Mais enfin, pourquoi? Mais parce que ça fera plaisir à ta sœur. Oh, tu vas. Tu es célèbre. Eh bien, tu vas venir travailler avec moi au garage. Nous l'appellerons Station Auguste Roussel et nous doublerons la clientèle. Nous acculerons le garage de l'église à la faillite et nous le rachèterons. Nous ferons les voitures d'occasion avec garantie. La garantie Auguste Roussel. On y mettra le fac-similé de ta signature. Mais nous ouvrirons une succursale à Bonneuil. Je préfère la banque. Soit. Ne viens pas au garage si tu veux, mais ne retourne pas à la banque. Mais le guichet de la BLDI n'est pas une place digne de toi. Mais quand on a sa photo sur le journal, quand on va au théâtre avec Marilyn, quand on se bat avec des ambassadeurs argentins, on ne retourne pas à la BLDI, c'est une chose évidente. Enfin, tu te revois à la BLDI? Mon cher, j'ai une proposition à vous faire de la part des films USA. Voulez-vous épouser Marilyn Wood? Oh, mais... Ah, non. Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie? Mais pas du tout. Après son snock-out, Fleur de Canard, il a risé de tout Paris. Et Marilyn ne veut plus l'épouser. Et comme les producteurs des films USA tiennent absolument à ce qu'elle se marie pour le Festival de Cannes, pour la sortie de son film, ils aimeraient bien que ce mariage se fasse avec vous, si vous êtes d'accord. Vous allez voir, il est capable de dire non. Non, mais... Écoutez, je suis flatté. Oui. Que mademoiselle Marilyn Wood veuille soi-disant se marier avec moi, mais en effet, je ne pense pas que je puisse accepter. Je l'aurais parié. Monsieur recommence à faire sa mauvaise tête. Et peut-on savoir les raisons de votre refus? Mais il n'y en a pas. Il dit non comme ça pour nous embêter. Mais écoutez, pour que je me marie avec Marilyn Wood, il faudrait que j'aie un sentiment pour elle. Il faudrait qu'elle-même, de son côté... Oui, oui, je vous vois venir. Vous voudriez peut-être qu'elle vous aime aussi. Bah, je préférerais. Elle s'est mariée 6 fois. Si il avait fallu qu'elle aime son mari à chaque fois... Alors, elle n'est pas comme toi, elle. Elle a l'esprit large. Peut-être que je suis anormal, mais je ne me marierai qu'avec une femme que j'aime et qui m'aime. Bah, permettez-moi de vous dire que vous refusez ce mariage pour des prétextes bien égoïstes. Veux-tu que je te dise? Tu y mets de la mauvaise volonté. Non, mais écoute, un peu calme. Alors, écoutez, un mariage, Un mariage, mais c'est un événement important. Mais nous en ferons un événement important. Vous vous marierez à Cannes, au Carlton. Il y aura une bataille de fleurs sur la croisette, un feu d'artifice. Ce sera extraordinaire. Ah. Alors vous parlez exactement comme si c'était fait, alors je vais me marier avec Marilyn Wood. Écoutez, mon cher, nous devons prendre une décision immédiate. Hein. Ce mariage doit avoir lieu pour le festival de Cannes et c'est dans 5 semaines, alors. Je ne me marierai pas avec Marilyn Wood. Ah, monsieur, quand il s'est mis une idée dans la tête, impossible de l'en faire sortir. Mais enfin, tous vos compatriotes seront fiers à l'idée qu'un petit Français va prendre le cœur de leur grande star américaine. Mais puis d'abord, monsieur Roussel, quand on est une vedette célèbre, on a des devoirs. Oui, mais et moi, ce mariage en est un. Je ne veux pas être célèbre. Mais il n'y a plus à savoir si tu veux être célèbre ou non. Tu l'es. Un point, c'est tout. Mais il a raison. Acceptez. Bon, enfin, écoutez, vous allez avoir quand même une vie extraordinaire. Tous les soirs, pour vous, seront des soirs de fête. Tenez, par exemple, ce soir, c'est la première de l'Olympia. Eh bien là, il y aura des vedettes, des écrivains, des milliardaires. Il y aura aussi des mannequins de chez Dior, des mannequins de chez Lanvin. Et puis il y aura le tout Paris avec Marcel Achard, Maître Maurice Garçon, Onassis, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot? Bien sûr, Brigitte Bardot. Tu te rends compte, Auguste? Il y aura Brigitte Bardot! Demain, c'est le gala des ambassadeurs. Vous entendez? Non, j'ai pas entendu. Demain, c'est le gala des ambassadeurs. Oui. Eh bien là, vous aurez des vedettes, des écrivains, il y aura des milliardaires, puis il y aura aussi des mannequins de chez Dior, vous comprenez? Des mannequins de chez Lanvin, et puis le tout Paris, avec Marcel Achard, Maître Maurice Garçon, Onassis... Brigitte Bardot! Ouais. Et l'été, vous irez à Cannes. Alors là, à Cannes, vous aurez des vedettes, des milliardaires, des écrivains, il y aura aussi... Des mannequins de chez Dior, des mannequins de chez Lanvin. Et puis il y aura le tout Paris, avec Marcel Achard. Maître Maurice Garçon. Ouais. Sûrement. Onassis. Ouais. Forcément. Et Brigitte Bardot. Évidemment. Mais alors, ils vivent ensemble. Mais alors, dites-moi, monsieur Georges Flaubert. Oui. La vie de Paris, c'est toujours la même chose. Enfin, écoutez, je pense que vous aurez une autre vie qu'à la banque, tout de même. Ah, ah, ah, mille pardons. Ah, ah, c'est qu'à la banque, ça change tous les jours. Comment ça, tous les jours? Tous les jours. Le lundi, nous avons toutes les jolies secrétaires des magasins de commerce qui nous apportent leurs chèques, leurs traites, leurs petits effets. Elles nous racontent leur dimanche, le film qu'elles ont vu, leur partie de campagne, ou la pièce de théâtre qu'elles ont été applaudir, leur partie de canotage. Oh, si vous saviez, comme tous les lundis, nous passons de bons dimanches. Ne l'écoutez pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Le mardi et le jeudi, ce sont les jardinières de la rue Amélie qui viennent toujours en souriant nous offrir soit leur première violette ou leur première fraise. Et ainsi, aux petits cadeaux qu'elles nous font, eh bien, on voit passer les saisons. Savez-vous, cette année, monsieur Flaubert, qu'on va avoir un hiver très, très rigoureux? Ah non, ça, non. Moi, je le sais, moi. C'est les jardinières qui me l'ont dit. Vous savez pas pourquoi? Non. Les oignons ont 8 pots. Ce jour-là, on a ri. Mais on a ri. J'ai écrit « Veuillez payer contre ce chèque 50 000 oignons ». On a ri, on en rit encore. Il vous en faut pas beaucoup. Oui, mais nous, ça nous suffit. Le mercredi, alors là, par exemple, c'est le pharmacien qui vient chercher de la monnaie et il nous offre des cachous, des pastilles et il s'ingénie chaque fois à trouver une nouvelle marque. Je vous dis, ça change tout le temps. Il y a le comique aussi, par exemple, le vendredi, je vous dis ça au hasard. Le caissier qui vient chercher la paye des employés des magasins réunis, qu'est-ce qu'il est amusant celui-là. Alors il arrive, on a annoncé qu'il arrive le vendredi à 10h. Alors il arrive, il s'en revient, il fait Mais tu l'ennuies, monsieur Flaubert, avec tes histoires de boutique. Mais non, pas du tout, au contraire, je vous en prie, continuez. Tenez, je vais vous dire une chose pour moi, parce que vous ne pourrez pas comprendre. Ah bon? Vous ne pourrez pas savoir. Comme chaque soir, c'est épatant d'être content, tout simplement parce qu'il est 6h. Il y a aussi l'inquiétude dans laquelle nous vivons constamment. Mais quelle inquiétude? Non, vous le faites exprès ou quoi? Bah non, je ne sais pas moi. Pourquoi? Je vous parle de la banque. Oui. Mais l'inquiétude du hold-up. Il y a 3 semaines, ils ont été attaqués à Ménilmontant, à l'agence G. Vous avez pas vu ça dans les journaux? 6 colonnes, agence G, attaquée. Nous, on est à l'agence H. 2G à H. Il n'y a qu'une lettre. C'est un peu comme si nous étions aux avant-postes. Et puis, nous avons aussi nos joies. Par exemple, il y a le grand bal de la BLDI qui se passe chaque année, place de la République, à l'hôtel moderne. C'est très chic. Il y a M. Prunier, le grand directeur général, qui vient. Alors, il y a sa table, qui est juste devant l'orchestre, le BLD East Hot Club. On a des attractions très bien. On a le caissier, par exemple, de Versailles, qui vient, il fait des tours de cartes. Alors, on danse, puis il revient, et il fait des claquettes. Il est épatant. Il chante des chansons de Barbara avec la voix d'Aznavour. Et puis alors, ce jour-là, je suis content. Pour une fois, je suis quelqu'un. Hein? On me donne un brassard et c'est moi qui déchire les tickets. Je trouve ces enfantillages d'un ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est même émouvant, des fois. Lorsque le 29 décembre, M. Prunier nous reçoit dans son grand bureau, il nous offre le mousseux. Et là, nous sommes le verre à la main et pendant 2 heures, il nous parle de la banque. La banque, c'est comme un cœur qui palpite dans la ville. Et le jour où ce cœur... Bon, alors c'est décidé, vous ne voulez pas épouser Marilyn Wood? Non, bon. Rien à faire, c'est le célibataire endurci. Donc, vous m'auriez parlé de Françoise Martin? Oh non, Françoise sort avec un producteur italien. Et elle accepte? Mais bien sûr qu'elle accepte. Elle veut arriver, elle est prête à tout. Prête à tout? Oh, en tout cas, que tu le veuilles ou non, tu n'iras pas à la banque jeudi. Ah, ben alors là, c'est ce que nous verrons. Ah, oh, ben c'est tout vu. J'ai envoyé ta lettre de démission. Tu m'as envoyé ma lettre de démission? Quand? Ben, ils ont dû recevoir la lettre ce matin. C'est un faux. Il a envoyé ma lettre de démission. Il a envoyé ma lettre de démission. Je vais aller prévenir mon directeur. Il a envoyé ma lettre de démission. L'imbécile, il va tout gâcher. Dis, j'ai Françoise au bout du fil. Ah bon, je la prends, d'accord. Allô, Françoise? Oui, c'est moi. Excuse-moi, je suis très occupé, oui. Oui, dis donc, j'ai donné ta photo au producteur, M. Dagatelli. Oui, oui, alors, c'est entendu, tu sors avec lui et ils nous font des photos. Comment, non? Tu veux plus qu'on parle de toi? Tu veux arriver par ton propre talent? Non, écoute, ma petite chérie, alors tu prends 2 aspirines et puis tu vas te coucher, parce que moi, j'en ai marre. Au revoir. Bon, au revoir. Alors, M. Flower, qu'est-ce que nous faisons pour Auguste? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'ai jamais vu un type aussi obstiné à refuser la fortune. Ne m'en parlez pas, j'en ai honte pour la famille. Ouais. Dites-moi... Il lui faut combien de temps pour aller d'ici à la banque? En métro, 1 demi-heure, en taxi, 5 minutes. Il a certainement pris un taxi. Bien. Oh, il en est bien capable. Ah, nous n'avons plus que 5 minutes pour rattraper tout ça. Ah non, non, plus 5 minutes, 4 minutes, et même 3 minutes et demie. Dans 3 minutes et demie, tout est fichu. Ouais. Vous ne connaissez personne à la BLDI? Mais si, si, bien sûr, mais il m'a demandé de ne jamais l'appeler à son bureau. Et alors le temps qu'il vienne ici... Hein. 3 minutes, 3 minutes. Et moi qui me voyais déjà le beau-frère de Marilyn Wood. Ça, ça aurait fait marcher le garage. Ah oui. Nous l'aurions appelé Station Marilyn Wood. C'était une très bonne idée, en effet. Oh, 2 minutes. Mais il faut faire quelque chose ou cet imbécile d'Auguste va nous faire passer à côté de la fortune. À qui le dites-vous? J'avais imité sa signature à la perfection. Un chef-d'œuvre. Peut-être qu'ils ne voudront pas lui rendre sa lettre. C'est notre dernier espoir. Si encore nous avions la veine que son taxi soit pris dans un embouteillage, ça nous donnerait un petit sursis. À condition de trouver quelque chose, mais alors là, je suis sec, sec, comme j'ai jamais été sec. Au 4e top, Auguste sera parti depuis exactement 5 minutes. Top, top, top. Allô? Oui? Monsieur Boyer de Lain? Nous sommes sauvés. Allô? Oui, oui, oui, c'est moi, Flover, oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, il a envoyé sa lettre de démission. Ce que vous devez faire, mais l'accepter, bien sûr, et au plus vite. Bah oui, sinon tout est raté. Bon, alors, je peux compter sur vous? Très bien, merci, monsieur Boyer. Formidable! Affreux! Affreux! Qu'est-ce qui t'arrive, Auguste? J'étais seul, en bas des escaliers, devant la porte cochère. J'allais descendre dans la rue, il y a 20aine de jeunes filles qui m'ont sauté dessus. Vive Roussel! Vive Auguste, vive Roussel, vive Auguste. Elle me demandait des autographes. Madame Jeanne! Fermez la porte à clé. Il y en a deux qui me pourraient encore dans les escaliers. Alors si je, maintenant je peux plus être tranquille dans la rue, c'est... La rançon de la gloire, mon cher, votre visage est célèbre. Oh, mais ça se passera pas comme ça. Ouais. Maintenant, ça va changer. Je vais changer de visage. Tiens, je me laisserai pousser la barbe. Et en attendant... En attendant, j'en mettrai une fausse. Je mettrai des lunettes noires et j'irai tout expliquer au directeur. Ouais. Trop tard, votre démission a été acceptée. Comment ça? Oui, elle a été acceptée, qu'est-ce que vous en savez? Le directeur général a pris la peine de m'en avertir à l'instant. Mais c'est un faux. Écoutez, entre nous, vous étiez devenu un peu trop voyant pour rester derrière un guichet. Ils ne sont pas fâchés du prétexte. Mais je vais porter plainte, et je demanderai un expert en écriture. Tu veux me faire mettre en prison pour faux? Je vais me gêner. Mais pense au moins à ta sœur. Et toi, est-ce que t'as pensé que maintenant je vais être obligé de m'inscrire au chômage? Oh, écoutez... Non, pas de bêtises. Mon offre tient toujours. Monsieur Roussel, vous allez pouvoir prouver à votre directeur qu'il vient de se séparer d'une personnalité d'élite. Personnalité d'élite. Vous avez raison. Puisque 12 ans de bons et loyaux services n'ont pas empêché qu'il prenne ma fausse démission à la légère, j'accepte votre proposition. Et voilà qui est parlé. Bravo, Auguste. Alors c'est décidé, vous épousez Marilyn. Ouais. Alors maintenant, mon vieux, souriez. Ben, je vais sourire. Souriez, parce que ça fait partie de votre nouveau métier. Ah, mais je vais sourire tout le temps. Oui. Le matin, la nuit, tout le temps, je rirai. Je rirai aux éclats. Comme ça, je leur montrerai que ça ne me fait pas pleurer d'avoir quitté la BLDI. Et vous n'allez fréquenter que des vedettes, c'est que ça. Des célébrités. Des célébrités, des vrais ou des comme moi? Mais des deux. Et puis... Les vedettes. Et vous vous marierez à Cannes. J'y serai. Non, et oh, on a dit que des vedettes. Alors, à Cannes, il n'y aura que des vedettes, que des célébrités, le tout Paris. C'est ça. Il y aura... Oui, je le sais. Il y aura les mannequins de Marcel Achard. Les danseuses de Maurice Garceau. Il y aura les... Dis donc. Oui. Oh, en fait, je veux Brigitte Bardot. Je veux Brigitte Bardot. J'y tiens. Alors, tu ne veux pas m'acheter cette auto? Mais elle n'a roulé que 15 000 km, je te le garantis. J'irai pas truquer le compteur de mon beau-frère. Je te dis et je te répète que je ne peux pas rouler dans n'importe quelle voiture. T'as qu'à demander à M. Flaubert, tu verras. Ah, celui-là, il te fera oublier ta famille. Depuis que t'es milliardaire, on t'a vu que deux fois, celui-ci, Henri. Tu pourrais venir nous voir plus souvent? Je voudrais bien aller vous voir, mais c'est pas possible. Veux-tu que je te dise? Tu as honte de nous. Oh, moi? C'est ce que me disait ta sœur. Je voudrais bien aller vous voir, seulement je n'ai pas le temps. Menteur, tu fais rien. Eh bien, tu peux pas savoir le temps que ça prend que de ne rien faire. Souvent, j'envie ceux qui travaillent. Enfin, ceux qui travaillent, ils ont la semaine de 40 heures. Tandis que ceux qui font rien, ça s'arrête pas. Ça commence le matin et ça s'arrête au petit jour. Des fois, j'ai même pas le temps de dormir. Ah non. Si je te le dis. Tiens, hier, quand j'étais à la banque, à BLDI, là, à l'agence de Cannes, à côté, là, pas loin d'ici, quand j'ai vu mon collègue derrière son guichet, je l'enviais. J'en avais les larmes aux yeux. Et quand il m'a reconnu, c'était lui qui m'enviait, dis donc. S'il savait... Allez, tu exagères. Mais non, j'exagère pas. Bon, je reprends mon train... Oui. Bien entendu, nous déjeunons ensemble. J'ai pas un déjeuner de libre avant 15 jours. T'auras bien une minute dans la journée. Mais non, mon temps est réglé comme du papier à musique. Alors demain matin de bonne heure? Demain à 8 heures. Non, je suis au golf. Tu joues au golf? Eh, quand on est milliardaire, on est obligé. Tu sais jouer? Enfin, je sais jouer, j'apprends. C'est très curieux comme jeu. C'est un jeu de milliardaire, quoi. Alors voilà en quoi ça consiste. T'as une petite boule, pas plus grosse qu'un cochonnet. Tu la mets entre tes chaussures, on te donne une badine. Très curieux, t'as un jeu de milliardaire. Tu l'envoies dans les champs et le jeu consiste à la retrouver. Alors, quand tu la retrouves, t'as gagné. Et quand tu la retrouves pas, t'as perdu. Et il y a le polo. Oh, c'est curieux, ça, le polo. Tu joues au polo? C'est un jeu de milliardaire. T'es obligé d'y aller. Alors là, tu montes sur un cheval. Avec ta main gauche, tu appuies, tu tapes sur ton cheval, tu conduis ton cheval, et de la main droite, t'as une petite boule, pas plus grosse qu'un cochon. Tiens, tu vas faire le cheval. Je te fatigue pas, j'ai pas le temps d'y jouer, moi. Alors, je vais faire le cheval. Moi, ce que je déteste, c'est le yachting. Qu'est-ce que c'est, le yachting? Quand t'es milliardaire, t'es obligé. Hein? Alors ça, tu vois, t'as le bateau, t'as le quai. Alors, un beau bateau, tu vois, on n'a qu'un jou. Alors, ils mettent de l'eau dessus pour que ça glisse. Alors, le jeu consiste à monter dessus sans tomber à la mer. Et si t'as gagné, alors là, tu vas en mer et là, t'es malade. C'est ce qu'on appelle faire du yachting. Enfin, heureusement qu'il y a le club. Le club, qu'est-ce que c'est? Ah, moi, j'aime ça. Oh, je suis content quand je vais au club. Beaucoup de classe. Toi, c'est un salon anglais. Avec que des Anglais, des gens très bien, distingués. Toi, il ne faut pas rentrer là-dedans. Hey, salut, ça va? De la classe, de la distinction, comme me dit M. Flaubert. Classe et distinction. Alors, tu prends un journal anglais. Dans le silence. Tu salues. Tu t'assois dans un fauteuil club. Tu t'allonges, tu mets le journal anglais sur ta tête et tu dors. C'est ce qu'on appelle aller au club. Je m'excuse, monsieur Chevalier, mais l'heure de la visite est terminée. Et nous avons aujourd'hui un programme extrêmement chargé. Donnez-lui quand même une permission de 24 heures. Ah, j'essaierai, mais je ne promets rien. Toi, quand je te le disais, mon pauvre Albert. Au revoir, Auguste. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez. Dis donc, embrasse ma soeur Yo-Yo. Hein. Oui, je manquerai pas. Dis-moi, pour la voiture, c'est d'accord, et je te la mène demain. Hein. Il veut me la vendre, hein, cette bagnole. On verra ça, va. Dis donc, c'est bien ce costume que je devais prendre, là. Oui, mais vous avez oublié l'œillet bleu à la boutonnière. C'est vrai. Oh, ben, j'en mettrai un blanc, là. Non, bleu, mon cher, toujours bleu. C'est avec ces petits détails que l'on compose et que l'on impose une silhouette. J'avais l'idée avec la pochette, comme vous me l'avez indiqué, oui. Si je mettais une petite rose. Non, un œillet, c'est tout, voilà. Bon, eh bien les enfants, assez causé, maintenant je vais y aller. Mais non, cher Roussel, je vous en supplie. Cessez d'arriver toujours en avance, ça fait petit employé. Non, croyez-moi, vous n'allez arriver au palais du festival que juste une minute avant la présentation du film de Marilyn. Bien, hein? Oui. Voilà. Ben, est-ce qu'elle y sera, elle? Ben forcément, puisque vous allez la prendre à son hôtel. Ah oui, c'est vrai, j'ai. Voilà. Ah ben, je suis bien content d'aller voir ce film. Ah, ouais. Depuis le temps qu'on en parle. Alors, écoutez bien. 10 minutes après la projection du film, vous filerez à l'anglaise et vous n'y reviendrez que 5 minutes avant la fin. Ça, je comprends pas. Alors, je vais voir un film au bout de 5 minutes. Oui, vous partez. Mais pourquoi ça? Mais parce que vous avez rendez-vous ici dans 20 minutes avec Walter Dupont. Il doit faire un portrait de vous pour un magazine allemand. Oh, ben, un magazine allemand, il peut bien attendre demain. Non, ce magazine tire 1 million d'exemplaires, c'est très important. Moi, c'est embêtant, je voulais tellement voir ce film. Eh bien, vous le verrez plus tard, mon cher, vous le verrez plus tard. Mais dites-moi, n'oubliez surtout pas, à la fin du film, d'applaudir très fort. Ah oui, c'est vrai. Enfin, quand je dis très fort, avec classe et distinction. Oui, comme les Anglais. Voilà. Classe et distinction. Voilà. Bon, alors, écoutez, je vous laisse. Moi, je vais chercher votre voiture et je la mets devant le perron. Hein? À tout de suite. C'est bien la Maserati, hein? Oui, d'accord. Monsieur Roussel, si vous voulez vous asseoir, nous allons régler votre petit emploi du temps. Voyons. Alors, après le film, vous allez au bar du Soleil. Ouais. Drink et signature d'autographe. À 1h, départ pour la Napoule, où a lieu le déjeuner offert par les films USA. Avec ce costume. Hein? Avec ce costume. Bon. Vous serez placé entre Marlène et Françoise Sagan. À 3h30, vous revenez ici pour vous changer. Je reviens me changer. Alors là, je me déguise en quoi, là? Alors à ce moment-là, c'est tenue de yachtman. Oui. Bon. Alors après, ensuite... Ah non, écoutez, dites donc, le yachtman, si vous pouviez évincer cette affaire-là. J'ai horreur d'aller en mer. Je suis malade, soyez gentil. Surtout après le déjeuner. Mais non, monsieur Roussel, il n'est pas question d'aller en mer. Vous allez donner le départ des régates, ça n'a rien à voir. Ouais, je préfère ça. Bon, voilà. Alors ensuite, vous revenez vous changer. Tenue de cocktail. Hein? Alors, très très important, je vous le recommande, c'est la réception de la délégation soviétique. Alors, ça, je compte sur vous. Hein? Oui, oui, oui. Bon, ensuite. Je reviens me changer. C'est ça. Smoking pour le dîner intime de la Begum. 40 couverts. Ensuite. Je reviens me changer. Voilà. Et alors là, je crois que c'est l'habit. Hein? Non, vous allez au bal costumé du Miramar. Vous serez déguisé en Henri III. En Henri III. C'est ça. C'est ça. En Henri III, vous voyez. Mais ça va pas faire jaser, non? Mais vous serez très mignon, monsieur Roussel. Qui est là? Françoise Martin. Ah, c'est Françoise Martin. C'est pas vrai? Bah oui. Françoise Martin. Oh, quelle surprise! Vous êtes donc à Cannes? Oui, depuis hier. J'étais invitée par le comité du festival. Ah, oh, c'est gentil, ça. Vous pourriez pas nous laisser, s'il vous plaît? Pourquoi je vous laisser? Si, ben, vous nous laissez. Ben, vous allez être en retard, monsieur Roussel. Mais ça va, vous en faites donc pas, ça fera plus chic. Vous croyez? Ouais, Quelle surprise! C'est gentil d'être venu me voir. J'ai hésité. Ah. Je me demandais si vous vous souveniez encore de moi. Moi? Mais bien sûr que je pense toujours à vous. C'est gentil que vous soyez venu ici. Vous êtes maintenant devenu un personnage considérable. Oh, pas tellement. Mais si, vous faites partie du tout Paris. On vous cite à côté de Marcel Lachard. Je suis Marcel Lachard, maître Boris, garçon, bien sûr, c'est Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot. C'est ça, oui. Savez-vous qu'à la bourse des autographes, votre signature a valu 4 Marlon Brando? Ah oui, dis donc, parlons plutôt de vous. Parce que, voyez-vous, cet Auguste Roussel, celui dont vous parlez, ce personnage soi-disant considérable, bien sûr, il a mon visage, mais derrière toute cette façade, il y a l'autre Auguste. L'autre? Le petit employé de banque. Timide et souvent stupide. Timide, oui, mais pas stupide. Moi, je le trouvais courageux. Si, charmant. Ben, vous voyez, cet Auguste-là, lui, il pense toujours à vous. Oui. Mais l'autre va épouser Marilyn Wood. Auguste, ce n'est pas sérieux, mon cher. Vous allez être en retard au palais du festival. Tiens, Françoise, bonjour, comment va? Excuse-moi de te l'enlever, mais Auguste, il faut y aller. Non, je m'excuse de vous couper. Oui. J'ai une idée comme ça qui vient. Si j'allais au festival avec Françoise Martin... Ah, il n'en est pas question, non, ça ferait un scandale. Oh, mince. Non, non. Bon, ben, je vais y aller. Mais alors, dites-donc, vous pourriez peut-être m'attendre, alors? C'est-à-dire que... Ah oui, mais donc, mais dépêchez-vous, Auguste. Parce que je reviens dans 10 minutes. Oui, mais alors, écoutez, s'il vous plaît, mais vous permettez que je parle. Vous m'attendez, je reviens dans 10 minutes. C'est promis, ça je pars pas. Voilà, c'est promis. Bon, alors, c'est promis. Partez, non, Auguste, je vous en prie. Classe et distinction. Ma petite Françoise, ça me fait plaisir de te voir, tu vois. Dis-moi. Est-ce que nous pourrions dîner ensemble ce soir? Ah non, ce soir je ne suis pas libre. Ah, tu dînes avec un producteur, un journaliste ou un cinéaste? Non. J'ai ma grand-mère qui habite à Cannes. Ah, bah dis donc, j'ai l'impression que tu ne prends pas la bonne voie pour arriver. Hein. Il va falloir que je me réoccupe sérieusement de toi. Oui. Dis-moi. Nous pourrions peut-être quand même dîner demain soir, non? Mais dis donc, Georges, mais est-ce que par hasard tu voudrais me faire la cour? C'est interdit. Le cœur de mademoiselle est pris. Oh, ça c'est mauvais, très mauvais quand on veut faire une carrière au cinéma. Excuse-moi. Allô? Oui? Vous avez fait monter ce monsieur? Non, c'est très bien, je le reçois. Merci. Ma petite Françoise? Fiche-moi le camp, j'attends une visite. Excuse-moi, c'est tout à fait imprévu. Françoise? Oui? J'espère que nous nous reverrons. Peut-être. Entrez, monsieur, voyez de là, je vous attends. Je vous dérange? Non, pas du tout. Oh, si, j'ai très bien vu. Mes compliments, elle est ravissante. C'est une amie? Non, une cliente. Une cliente? Ben, dites donc. Je suis client pour la cliente. Alors, je plaisante. Mais au fait, si c'est une cliente, vous avez son adresse? Bah, il faudra que je vous en parle. Alors, monsieur Boyer-Delin, vous êtes en vacances à Cannes? Non, en mission. En mission. Mais en fait, une mission à Cannes, c'est toujours agréable. Oui, bien sûr. Monsieur Flower, je suis venu vous dire que ces messieurs du conseil, estimant votre action insuffisante, ont décidé de résilier votre contrat. Tiens donc. Oui. Ah, ça, je dois dire que pendant 3 semaines, monsieur Reynal a été heureux. Il a porté les journaux à son bureau, il les montrait à ses collègues. Et puis tout à coup, plus rien. Plus rien ou si peu, débroutille. Et hier son adversaire au conseil lui a dit avec un sourire narquois, « Dites donc, votre Roussel, ça mollit. » Mais un de ces messieurs a dit « ça mollit ». Oui, monsieur, oui, ça mollit. Et monsieur Reynal a pâli, ça suffit pour vous condamner. T'es amusant, hein? Je vous dis, il t'y résiste-t-il, c'est un véritable enfant. Voyez-vous, ce qui est le plus amusant, monsieur Boyer-Delin, c'est que si nous n'avons pas parlé d'Auguste Roussel depuis 3 semaines, c'est que j'ai tout fait pour qu'on ne parle pas de lui. Pour que la bombe qui devait éclater demain fasse d'autant plus d'effet. Cette bombe, dites-vous, était pour demain? Eh oui, tout était prêt, je n'avais plus qu'à allumer la mèche. Oh, mais ça c'est irrésistible. Et peut-on savoir de quoi il s'agissait? Non, je m'excuse, son effet dépend de mon secret, excusez-moi. Oh, et selon vous, c'eût été une bombe fantastique? Oula, fantastique, monsieur. Le monde a-t-il parlé de Roussel? Ça, je peux vous le garantir, ma bombe n'éclatera pas. Oh, ça là. Avouez qu'à 24 heures près, c'est demain. Oh, mais écoutez, on ne peut pas faire ça, monsieur Reynal. Non, monsieur Flower, monsieur Flower. Si nous faisions comme si je vous avais raté, hein? Votre bombe, accepteriez-vous encore de la faire partir? L'incompréhension de ces messieurs de la BLDI me donne envie de renoncer. Vous ne lui faites pas attention. Ah, dites, ils m'ont quand même reproché de mollir. Pour moi, monsieur Flower, je vous en supplie. Faites partir votre bombe. Ce sera tellement amusant. Je pense à la joie de monsieur Reynal. Bon, alors je vais considérer votre visite comme nulle et non avenue. Voilà. Je suis venu. Et je ne vous ai pas trouvé. Voilà. Hein? Et comme demain on ne parlera plus que de Roussel, je retournerai auprès de mes administrateurs en leur expliquant que je ne pouvais venir un jour pareil pour rompre votre contrat. Oh, je vais attendre avec l'impatience que vous devinez les éditions de demain matin. Au revoir, cher monsieur. Alors, Jeanne, nous n'avons plus que quelques minutes pour trouver la bombe qui obligera tous les journaux demain à parler d'Auguste Roussel. Crois-moi, c'est une question de vie ou de mort. Oh, dis donc. Un scandale. Alors, comment ça s'est passé au palais du festival? Affreux. Quand je suis arrivé, Marilyn était partie, dis donc. Parfait! Elle m'était commencée, puis elle est rentrée toute seule. Les photographes m'ont dit que ça avait été très, très remarqué. Mais c'est excellent! Mon cher Roussel, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Vos fiançailles avec Marilyn sont rompues. Oh, mais elle est susceptible, alors. Mais... Pour un petit retard de rien du tout. Il ne s'agit pas de ça. Avoue que c'est une bonne idée, non? Pourquoi? C'est une idée à vous, ça? Pas mal, mais... Mais Marilyn n'est pas au courant. Mais non. Oh, mais dis donc, mais... Ça va changer complètement mon emploi du temps, ça. Ah, ça va changer complètement votre emploi du temps. D'abord, vous n'allez pas retourner au palais du festival. Non. Et quand la lumière va se rallumer... Votre absence sera naturellement commentée et remarquée. Alors, nous expliquerons ensuite la raison. Votre rupture. Et ce soir, vers 7h, on organisera une petite conférence de presse. Ça va? Ça va. Ça, c'est une bonne idée, non? Parfait. Oui. Quoi, oui, t'as pas l'air convaincu? J'ai peur que ça ne fasse pas le boom que tu attends. Ouais. Non, à mon avis, il faudrait trouver quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ah, tu as raison, c'est peut-être pas assez fort. Non. Là, oui. Mais quoi? Mais attendez, ça y est. Mais j'ai trouvé, mais oui, c'est ta chance. Mais bien sûr, pendant le film de Marilyn Wood, Auguste était absent. Il flirtait avec une starlette. Rupture. Ça, alors, je crois que ça fera un boom, hein. Et puis alors, c'est presque la vérité, ou à peu près. Tu vois, Jeanne, nous ne pensons jamais assez à la vérité. Alors, c'est formidable, ça, n'est-ce pas? C'est peut-être formidable, mais alors là, ce coup-ci, je ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas mêler Françoise à ces histoires-là. Mais Françoise sera ravie, au contraire, n'est-ce pas, Françoise? C'est-à-dire que... Du coup, tu vas pas faire ta fine bouche, non? Non, bien sûr, écoute, il y a à Cannes 20 starlettes qui voudraient profiter de l'aubaine. Alors moi, je pensais que pour toi, c'était très bien que tu profites de l'occasion. Oui, c'est vrai, Auguste. Il est certain que pour moi, je bénéficierais d'un lancement extraordinaire. Écoutez, vous lui avez déjà empêché d'être connu une fois. Vous ne pouvez pas recommencer. Oui, mais c'est-à-dire que je voudrais pas la compromettre, enfin... Mais pas du tout. Au contraire, Françoise sera ravie, elle sera lancée. Ah. Alors? Moi je veux bien, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir. Merci, Auguste. Ah, ça doit être Walter Dupont, le photographe. Tiens, lui accompagne une seconde, oui. Dites-donc, il me vient encore une idée. Encore? On devait faire avec ce photographe une photographie banale. Eh bien, nous allons lui offrir un document sensationnel. Oui, le premier baiser d'Auguste à sa nouvelle fiancée, Françoise. Oh, non, je vois quand même, non. Comment ça? Ça ne vous fait pas plaisir d'embrasser Françoise? C'est-à-dire que si. Et la photo demain sera publiée dans le monde entier. Eh bien, justement, embrasser Françoise devant le monde entier, c'est gênant. Mais enfin, mais Françoise sera ravie, elle sera lancée, n'est-ce pas, Françoise? Mais oui, pour moi, ce sera formidable. Bon, alors c'est d'accord, je vais chercher Walter Dupont. C'est vrai? Franchement, entre nous, ça vous embête pas de m'embrasser? Mais non, Auguste, voyons. Mon cher, c'est une formidable exclusivité. Nous avons réservé. Cette photographie annoncera au monde la rupture entre Auguste et Marilyn, mais annoncera aussi le prochain mariage entre Auguste et Françoise. Avouez que nous vous gâtons, hein? Je ne sais pas comment vous remercier. Bon, alors, où est-ce qu'on va faire cette photographie? Eh bien, sur ce canapé, ce sera très bien. Sur ce canapé? Oui. Ben oui, en effet, sur ce canapé. Bon, ben alors, Monsieur Roussel... Oui? Vous voulez vous mettre ici? Françoise, demoiselle Françoise. Là. Là. Et le fond est très joli comme ça. Bon. Eh bien, attendez, je voudrais voir ce bouquet de fleurs sur ma photo. Je vais le mettre en premier plan. Mais vous allez me le tenir là, vous, hein? À bout de bras, comme ça. Entendu. Oui, mais attention, mon vieux, faut que je voie votre bouquet, mais pas votre main. Alors, étirez-vous le plus possible. Comme ça? Dans l'autre main, vous me tiendrez ce projecteur. Hein? Vous dirigerez sur le rideau, là, fond. Comme ça? Non, plus loin, mon vieux, plus loin. Comme ça, là? Plus haut, encore plus haut. Montez sur le fauteuil. Oh. Alors, comme ça, ça va, là? Oui, ça ira. Ah bon, ben... Bon, alors, Monsieur Roussel, maintenant, hein, vous embrassez votre fiancée exactement comme si nous n'étions pas là, hein? Oui, ben, ça va très bien pour mademoiselle, mais vous, Monsieur Roussel, vous êtes un peu contracté. Oh. C'est vrai, Auguste, vous êtes contracté. Vous ne nous ferez jamais croire que quand vous êtes seul, vous embrassez Françoise aussi maladroitement. Allons! Recommencez, hein, voyons. Oh, oh, moins solennel, on dirait que vous embrassez un archevêque. Monsieur Roussel, ma photographie doit donner l'impression d'une grande intimité. Hein? Mais oui, Auguste, de l'intimité, bon sang. Bah, allons-y encore une fois. Ouais, pas ça pour aller, quoi. Bon, alors écoutez, attention, cette fois, j'opère. Hein? Alors, embrassez-vous de la même façon. Exactement comme si nous n'étions pas là. Oui, mais attention, remontez le bouquet. Oh, vous, Alors, allez-y. Oh non, non, non, non, décidément, c'est trop triste. Ah oui, c'est vrai, Auguste, enfin, c'est très triste. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu plus de tendresse dans le regard et un petit peu plus de fougue dans le geste, non? Ou occupez-vous devant vos fleurs. Ah oui, oui. Je comprends que vous soyez troublé, c'est un peu de la comédie qu'on vous demande là, hein? Et tout le monde n'est pas bon comédien. Hein? Bon, enfin, on va essayer encore une fois. Faites un effort, Auguste, pour moi. Allez, allez-y. Ah, cette fois, c'est un peu mieux. Vous voyez? Vite, Auguste, ça vous fait pas plaisir de l'embrasser, Françoise? Ben, je l'espère. Si, naturellement. Eh ben alors, mon vieux, faites que ça se voit, je vous en supplie. Allez, on recommence, on recommence, hein, allez-y. Ah si, c'est mieux. Ah oui, oui. J'en étais sûre. Allez, on recommence, hein, allez-y. Ah, cette fois, c'est même tout à fait bien. Vous allez voir la prochaine fois, ce sera parfait. Eh ben, allez-y. Et vous avez raison, c'est parfait. Je vous l'avais dit. Non, non, non, non, ne bougez pas, ne bougez pas. Oui, on recommence. Non, oui. On recommence, mais jusqu'ici, c'était un baiser tendre, hein. Oui. Et je voudrais maintenant le baiser passionné. Vous serrez Françoise très fort dans vos bras. Comme ceci. Mais non, mon vieux, plus fort. Mais oui, le plus fort possible, Auguste. Le plus fort possible. Le plus fort possible. Alors. Alors, renversez-la un peu sur votre bras. Voilà, parfait. Parce que c'est bon. On recommence. On recommence. Fermez un peu les yeux. Et je verrai plus rien si je ferme. Auguste, Auguste, ayez un petit peu plus de volupté dans le regard. La volupté. C'est parfait. Dans le regard. Voilà. Il y a assez de volupté, là. Mais oui, ça va. Hein. Allez, allez-y. On recommence. Allez, on recommence. C'est vraiment bon. Mmh. On recommence. Une seconde, parce qu'il me reste plus qu'une seule photo. Hein. Oui. Alors, je voudrais maintenant le baiser fougueux. Hein. Alors, vous prenez Françoise très fort contre vous et vous l'embrassez farouchement. Hein. Ouais, ben non. Du calme, s'il vous plaît. Du calme. Enfin, calme, s'il vous plaît. Une seconde, j'ajoute une lampe, hein, parce que je vais faire un gros plan. Qu'est-ce que c'est que ce bras, là? Il n'est pas à sa place, le bras, là. Alors, attention, hein. Allez-y. Zut, on a fait sauter les plombs. Mon vieux, les plombs, ils sont dans la chambre à côté. Bon, ben, j'y vais. Ben, je vais avec vous, qu'est-ce que je vous dis ? On recommence ! Il y en a toute une pile. Des télégrammes de personnalité. Ceux que nous avons envoyés nous-mêmes. Les faux, quoi. Oh, ben, je crois qu'ils doivent être dans le tas. Je sais pas, je les ai pas encore regardés. Tu montes dans 3 minutes? D'accord. Entrez. Ah, bonjour, monsieur Voyezla. Bonjour, mademoiselle. Quelle belle journée, hein? Ah. Oh, quel beau mariage. Quel couple charmant. Adorable. Mais dites-moi, je ne savais pas que vous deviez être des nôtres aujourd'hui. Je suis ici incognito. Je me suis envoyé moi-même en mission secrète comme observateur de la BLDI. Regardez, monsieur Voyezla, regardez. Ce mariage bien de chez nous est merveilleux. Félicitations et souhaits, signé Jean Dorin. Oh, ça, c'est très gentil. Hein? C'est... Ouh, bravo, petit gars, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, c'est... Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Très, très gentil. Oh, quand je vais raconter tout ça, monsieur Reynal, il va être aux anges. Toute cette foule, ces fleurs, ce cortège, ces voitures, ces toilettes, ces télégrammes. Donc, écoutez ça. Oui. Cordialement, stop, sans rancune, signé Marilyn. Oh, Marilyn. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle-là? Oh, ben, Georges l'a replacée, elle va épouser Rockefeller. Ah, le vrai? Mais non, pas le vrai, il est mort. Un de ses cousins. Enfin, il s'appelle Rockefeller, c'est l'essentiel, hein. Oh, pas mal celui-là. Tous nos vœux, comtes et comtesses de Paris. Oh. C'est pas joli, ça? Oh, ça, c'est très, très, très gentil. Vous vous rendez compte, tout ça pour le mariage de Xavier Roussel. Auguste Roussel. Excusez-moi, Xavier, c'est le peintre. Ah non, décidément, je m'y ferai jamais, là. Auguste. En tout cas, cette journée est un extraordinaire succès. Ah, ça, c'est, ah, ça, c'est bien ça. Moi, j'ai pas vu passer le temps. La messe, par exemple, m'a paru courte, mais courte. Ah, oh, ben forcément, nous n'avions les antennes de la télévision que pendant 23 minutes. Alors, vous pensez si le curé a dû expédier le tout dans ce délai? Oh là là là là. Oh, et ça, regardez. Congratulations, Lady Snowden. Qui c'est ça? La princesse Margaret. Oh, oui. Oh, merveilleux, merveilleux. Oh non, mais c'est bien simple, aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Bon. Le plus beau moment de la journée, c'est quand les mariés sont entrés à l'église. Oh, oh, tous ces flashs qui ont éclaté en même temps, c'était féerique. Il y avait au moins 100 photographes. Non, 48. Et croyez-moi, c'était bien suffisant. Oh là là, si vous saviez le mal qu'a eu Georges pour les caser dans cette petite église. Oh, il a fallu un service d'ordre terrible. Tenez, nous avons dû mettre la presse étrangère dans la chapelle de Saint-Joseph. Les agences dans la chapelle de la Vierge. Les radioreporters dans le déambulatoire. La caméra sur l'escalier du Saint-Sacrement. Et il nous est arrivé un retardataire. On a dû le coller sur la crédence à burette. Oh, oh, écoutez ça. Oui. Ambassade USA, Paris. Président Johnson me prie vous transmettre ses meilleurs vœux. Signé Bolen. Ça alors? Oh, ça, c'est bouleversant. Oh, c'est extraordinaire. Oh, extraordinaire. Ça alors. Oh! De plus en plus fort. Ambassade URSS, Paris. Camarade Kosygin me prie vous transmettre ses vœux socialistes. Alors là, ceux-là, je veux que vous me les mettiez de côté. Hein, ça, je veux les rapporter à M. Reynal. Oh, c'est trop, ça me dépasse. Oh! Oh, non, vous vous rendez compte, les deux grands qui félicitent Albert Roussel. Auguste, monsieur Xavier. Auguste. Albert, c'est le musicien. Non, non. Monsieur Boyer de Lain, bonjour. On m'avait signalé votre présence. Oh, mon cher. Oui. Mon cher, je suis ici incognito, je vous attendais pour partir. J'avais un mot à vous dire que je voulais vous dire à tout prix. Un mot très simple. Bravo. Voilà, je ne trouve rien à ajouter. Bravo, c'est très grand, c'est triomphal, c'est phénoménal, bravo. Eh bien, merci. Voilà, je m'en vais, il ne faut pas qu'on me voie, n'est-ce pas? Je suis ici incognito. Oui. Incognito. Oui. Ah, dis donc, ah ça, tu lui en as mis plein la vue. Ah oui. Dis donc, tu sais ce qui l'a le plus épaté? C'est ta série de faux télégrammes de Margaret, de Johnson et de Kosygin. Alors là... Ça, j'étais sûr que ça ferait beaucoup d'effet. Ah, ça, il en était bavard. Ah, hein, ouais. Ce qu'il a pu me faire rire. Tiens, encore un télégramme pour Roussel. C'est Recevez tous les vœux de bonheur des petits orphelins de Saint-Mandé qui ne vous ont pas oublié. Alors, tu vois, celui-là, j'étais sûr qu'il allait arriver, hein. C'est toi qui l'as fait envoyer? Ah non, celui-là, c'était un vrai, des vrais orphelins de Saint-Mandé. Non, mais réfléchis. Jusqu'à Auguste Roussel, aucun orphelin n'avait fait un mariage aussi brillant. Et ceux qui ne se souviennent pas de son passage préfèrent penser qu'ils ont mauvaise mémoire, c'est tout. Dis donc, les nouveaux mariés, où sont-ils? Cernés dans le jardin par les admirateurs. Ah. Tiens, je vais aller les délivrer. Ah, les voilà. Oh, quelle merveilleuse journée, et tout ça grâce à vous, monsieur Flaubert. C'est un vrai conte de fées. Eh, mais je suis fabricant de contes de fées, oui. Grâce à moi, tu es aujourd'hui la petite Française qui a pris le fiancé, la Marilyn. C'est vous qui avez trouvé ce slogan? Eh oui. Bravo. Et la popularité d'Auguste a fait le reste. Vous avez vu tout ce monde dans le jardin qui ils sont au moins 2000, hein. Et ce n'est pas tout. François, ce soir à 7h, tu as rendez-vous avec les reporters de match qui veulent publier ta photo sur leur couverture. Non! Ouais! Eh ben, tu vois, finalement, tu l'auras eu, cette couverture! C'est merveilleux, Auguste! C'est le plus beau jour de ma vie! Attends, mais c'est à cause du mariage ou de la couverture? Ben, à cause de tout, voyons. Je vis dans un rêve. Dites donc, si vous ne vous montrez pas tout de suite dans le jardin, ils vont tout casser, hein? On y va, tu viens, Auguste? Allez, lui saluer une dernière. On va aller leur signer des autographes. C'est ça! Ah, là, là, là. Quel comédien, cet Auguste. Il a joué son rôle d'amoureux à la perfection. Dis-moi, à propos du budget, tu as tout ça? T'as bien tout noté? Oui, je vais te montrer ça, j'ai fait tous les comptes, c'est parfait, tout va très bien. Alors, voyons le détail. Alors, subvention du syndicat d'initiative de la Côte d'Azur, 3 millions. Ouais. Hey, tu t'es bien défendu. Ah oui, ils avaient tellement peur qu'on aille les marier à Deauville. Et droit pour un court-métrage en cinémascope couleur, 3 millions, ce qui nous fait 6 millions. Oui. D'accord? Oui, bon. Oui. Alors, pour le départ en voyage de noces? Ah ben, j'ai conclu avec Air Mondial. Oui. Auguste et Françoise partiront dans un de leurs appareils. Subvention 1 million. Bon, ben, je noterai 1 million. Notera. Bon, alors, ce qui nous fait 7 millions. 7 millions. Pour le voyage de noces lui-même? Ah ben, voilà, il y a un petit toast, tu comprends? C'est qu'il devait aller en Sicile et aux Baléares. Alors, comme les Baléares offrent 800 000 et la Sicile 1 million, je suis un peu embêté. Oh, ben, dis donc, hein, c'est très peu pour la publicité énorme que cette visite va leur faire. Ah, c'est bien ce que je pense, alors j'ai fait un petit compromis, tu vois. Auguste et Françoise iraient en Sicile, mais alors en passant par les Baléares, tu vois. Ah, bon, je veux bien. Alors, 1 million. Ah, subvention 1 million. Bon, d'accord, alors, ce qui nous fait 3, 3, 6, 10 millions. Eh oui. Ça va? Eh oui, tu vois, Jeanne, ce mariage marque pour nous une très grande date. Ce n'est plus parce qu'il est riche qu'Auguste intéresse le public, c'est parce qu'il est célèbre. Mais c'est vrai. Ouais. En somme, tu as inventé une industrie nouvelle. Ah oui, j'ai inventé le personnage célèbre, professionnel. Toujours libre, il suffit de le louer. Oui, et nous avons vu que les clients ne manquaient pas. Hein? En somme, j'ai fabriqué l'Auguste le mieux payé du monde, tu vois. Ah oui, il est vrai qu'avec toi, il a un faire-valoir extraordinaire. Tiens, jamais le mot faire-valoir ne m'a paru mieux employé qu'aujourd'hui. Mais tu as raison, Jeanne, tout ça ressemble un petit peu au cirque. Tu vois, il y a quelques semaines, j'avais un personnage célèbre, Auguste. Maintenant, j'en ai deux, Auguste et Françoise. Après leur voyage de noces, après leurs vacances, je les fais divorcer à grand bruit et je les remarie chacun de leur côté. Et à partir de ce moment-là, j'obtiens quatre personnages célèbres. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Tu vois, si tout se passe bien, dans quelques mois, nous pourrons avoir une véritable écurie. Oui, mais à condition que tu trouves toujours des Augustes et des Françoises. Ah, bien sûr. Il est dans un rendez-vous avec le photographe, je crois que Françoise serait restée toute la soirée. Oui, oui. C'est vrai. Françoise, dépêchez-vous, vous avez rendez-vous avec le maquilleur. Oh, j'oubliais. Mais oui, ah, bien sûr. Attendez-moi, je tiens la traîne. Dites-moi, Auguste. Oui. Ça ne vous ennuie pas que Françoise soit seule? Ça ne vous ennuie pas que Françoise soit seule sur cette couverture? Oh, bah pas du tout, au contraire, Français. Je suis ravi. Parce qu'il y a des couples dans lesquels ça déclencherait la bagarre, hein? Ah, bah oui, mais nous, c'est pas la même chose puisqu'on s'aime. Vous dites? Je dis qu'avec Françoise, nous avons fait un mariage d'amour. Non, mais écoutez, Auguste, je vous en prie, nous sommes entre nous, il n'y a pas de journaliste. Ah, bah c'est justement, j'en profite pour vous parler à cœur ouvert. Non, mais dites-moi, vous aimez Françoise d'un amour sincère, profond, authentique? Ouais. Ben ça, mais alors, vous n'avez aucune conscience professionnelle, vous! Mais alors là, je suis plus alors. Ben, ou alors vous êtes un monstre d'ingratitude ou de cynisme! Je comprends pas. Ah, ouais, mais ça, j'aurais dû m'en douter. Mais monsieur Roussel, vous n'en avez pas le droit! Comment j'ai pas le droit d'aimer Françoise? Mais non, parce que Françoise, c'était une invention à moi. Sans moi, vous n'y auriez jamais pensé. Mais si, justement, j'y avais pensé. Vous y aviez pensé? Alors là, comme duplicité, vous êtes champion. Ah non, vous y aviez pensé. Alors, pendant que je me torturais les ménages à inventer cet amour, à fabriquer ce mariage, vous prélassiez dans le bonheur et en plus à mes frais. Ah ben, à question de frais, souvenez-vous. Mais non, mais non, c'est mais vous écoutez, qui m'avez dit. Mais non, mais moi, je vous demandais de faire semblant d'aimer Françoise, de l'aimer devant le public, devant les reporters, devant n'importe qui, mais pas de l'aimer en tête à tête, tout seul. Ah non, croyez-moi, Auguste, écoutez bien ce que je vous dis. Cet amour entre Françoise et vous est une chose impossible. Et pourquoi? Mais parce que j'ai besoin de Françoise pour réaliser d'autres objectifs. Parce que votre mariage est le premier rouage d'un plan gigantesque. Non, puis d'abord, je suis tranquille. Vous aimez peut-être Françoise, mais elle ne vous aime pas. Et pourquoi elle m'aurait épousé, alors? Mais simplement pour qu'on parle d'elle, parbleu. Mais Françoise, c'est l'ambition, faite femme. N'oubliez pas qu'elle s'est jetée en plein hiver dans la Seine pour être connue. De toute façon, Auguste, écoutez bien ce que je vous dis. Cet amour avec elle, c'est pas possible. Monsieur Flaubert, si Françoise m'a épousé, c'est parce qu'elle m'aimait. Ouf. Croyez-moi, monsieur Flaubert. Vous perdez votre temps. Si elle m'a épousé, c'est parce qu'elle m'aimait. Où allez-vous, Auguste? Je vais rejoindre Françoise. Ah, c'est extraordinaire. C'est prodigieux. C'est inouï. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de si inouï? Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Boyer. Monsieur Jean-Baptiste Rénal. Oui. Le plus gros actionnaire de notre maison. Oui, je sais. Celui qui m'a envoyé vers vous. Oui. Celui à qui nous devons cette opération, Auguste Roussel. Un original, bien sûr, mais si sympathique. Toujours le mot pour rire dans les conseils d'administration. Mais enfin, mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé de si joyeux à ce monsieur Rénal? Il est mort. Mort ? Oui, mort, oui. Lui, en pleine santé, un homme si drôle, si amusant, il est mort. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous présente toutes mes condoléances. Mais non, monsieur Flower, il ne s'agit pas de ça. Non, non, voyez-vous, monsieur Reynal était très heureux du succès considérable de l'opération Roussel. Oui. Il disait, c'est la blague la plus énorme de ma carrière. Oui. Il disait aussi, c'est Auguste Roussel, en somme, c'est un peu mon fils. Oui. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait en mourant ? Ben non. Il lui laisse toute sa fortune. À Auguste Roussel ? Mais naturellement ! Alors je viens de voir Françoise. Je n'ai pas eu la peine de lui poser la question, parce que si elle m'épousait, croyez-moi, c'est parce qu'elle m'aime. Oui, oh, facile à dire maintenant. Quant à mes milliards, elle sait très bien que tout ça, ce n'est que du vent. Non, non, monsieur Roussel, non, ça n'est pas du vent. Présentez-moi. Monsieur Boyer Delin, chef du service de la publicité de la BLDI. Je présente mes respects les plus plats. Tout l'honneur est pour moi, monsieur Roussel. Tout l'honneur est pour moi. Je suis chargé par notre conseil d'administration de vous présenter ses meilleurs voeux. Eh bien, ils sont très gentils. Monsieur Roussel, vous voilà désormais notre principal actionnaire. Eh oui. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Vous avez hérité. Ah, j'ai hérité. Et de qui ? De monsieur Reynal. De monsieur. J'ai hérité de Reynal. Je connais pas. Aucune importance, le testament est indiscutable. Dites-moi, et ce testament, ça représente quoi ? Avez-vous une idée de ce que ça fait ? 20 milliards. 20 milliards ? Non. Et vous ? Ah, ben moi j'ai l'habitude à la BLDI. 20 milliards, c'est un 2 avec 10 zéros. Oui, oui, mais enfin ça fait surtout une immense fortune. Eh bien, c'est désormais ce dont vous disposez. Disposer de 20 milliards, Auguste. Non, mais qui ? Vous ! Non, c'est une blague. Mais pas du tout, monsieur Roussel. Non, mais Auguste ! Auguste, je vous en supplie, regardez. Ah, monsieur. Vous, on peut dire que vous en prenez à votre aise avec le cœur de vos grands actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il vient de se trouver mal, il vient d'apprendre qu'il héritait de 20 milliards. Mais comment il vient de l'apprendre ? Il sait très bien depuis longtemps que ce sont des milliards faux inventés par toi. Mais ce ne sont plus les mêmes maintenant, ce sont de vrais milliards. Des vrais milliards ? Tout ce qu'il y a de plus vrai, madame. Il y en a beaucoup ? 20 ! Prends ce cognac, François, je t'en supplie. Ça t'a fait du bien. Oh, c'est merveilleux, chérie. Mais cette fortune, d'où vient-elle ? Eh bien, c'est monsieur Reynal qui... Oh non, alors là, permettez, hein, monsieur Reynal n'a fait que copier, c'est moi qui l'avais inventé, alors s'il vous plaît. Oui, alors pour une fois, la copie vaut plus cher que l'original. Convenez qu'il s'agit d'un formidable cadeau de mariage. Formidable, c'est le mot. Mais ça fait beaucoup d'argent. Mais je pense bien. Surtout quand on pense qu'un 1 million, c'est haut comme ça. Dis donc, et 1 000 millions. 1 000 millions, comme ça. Et 20 000 millions. 20 000 millions, ça fait ça. Mais comme l'État va me prendre ça... Si vous en resterez quand même... Et qu'allez-vous faire de tout cet argent ? Ce que je vais en faire. Mais voyons, il ne le sait pas encore, allons. Si, je le sais. Mais alors tu vas nous le dire ? Oui, je vais vous le dire. Ah ben, nous sommes impatients de le savoir. Avec une telle fortune, on peut pratiquement se payer ce que l'on veut. Oh, ce que l'on veut ! Oui, il n'y a pas de folie, si folle soit-elle, qu'avec 20 milliards, on ne puisse pas réaliser. Eh bien, je crois que je vais me payer une folie. Auguste, tu me fais peur. Quelle folie ? Je vais me payer une vie de pauvre. Une vie de pauvre ? Fini les obligations, fini le polo, le golf, les yachtman, tout ça c'est cuit. Maintenant, je vais mener une vie d'homme libre. J'espère, Françoise, que tu ne vas pas accepter cet enterrement de première classe. Mais tu vois, Georges, si ça fait plaisir à Auguste, je l'accepterai avec joie. Merci, chérie. Non mais... Tu l'aimes, toi aussi ? Bah, tu ne le savais pas ? Non mais... Tu l'aimes ? Bah non. Oui. Non mais c'est une idée à laquelle vous vous faites difficilement. Oh non, moi je suis trahi par mon génie, moi. J'invente de faux milliards, ils deviennent vrais. J'invente un faux amour et ils se réalisent. Mais vous comprenez, moi, mon métier, c'est d'inventer de fausses histoires. Si elles deviennent vraies, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, ben, je suis navré, monsieur Flower. Monsieur Reynal n'avait certainement pas pensé à tout ça. Ben, oui. Monsieur Roussel, permettez-moi de vous présenter encore une fois mes voeux les plus respectueux. Merci. Monsieur Reynal a certainement trouvé en vous un digne successeur. Petite madame, bravo encore. Adi, vous présenterez toutes mes amitiés à tous les directeurs de la BLDI. Je n'y manquerai pas. N'oubliez pas l'agence H. Ce sera fait. Avenue Rapp. Oui, et quant à moi, permettez-moi de vous souhaiter une heureuse vie de pauvre. Oui. En somme, vous voilà perdu pour moi. Mettez-vous à ma place, monsieur Flaubert. Maintenant que je suis riche pour de bon, je ne vais pas continuer à faire l'Auguste. Tiens, j'ai même une idée. Un seul coup, ça me vient. Je vais me faire construire une petite banque à Sucy-en-Brie. Et c'est moi qui tiendrai les comptes courants. Ah, mais comme caprice de milliardaire, je n'ai jamais vu mieux. Hein. Les journalistes vont s'en donner à cœur joie. Vous allez en avoir des colonnes dans la presse. Alors là, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Les photographes, toute cette histoire-là, c'est fini. Maintenant, je vais mener une vie d'homme libre. Je vais mener une vie complètement inaperçue. Mais vous êtes trop célèbre, mon vieux. Avec vos 20 milliards, vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez, tout ce qu'il vous plaira. Mais précisément pas ce luxe suprême, passer inaperçu. Non. Mon petit Georges, jusqu'à maintenant, j'étais un faux milliardaire. Oui. Maintenant, je suis un vrai. Oui, mais le public n'en sait rien. Mais ça fait une grosse différence. Oui. Jusqu'à maintenant, mon petit Georges, j'étais votre employé. Vous irez me faire mettre de l'essence, s'il vous plaît. Mon petit Georges, disais-je, j'étais votre employé et maintenant on va faire le contraire. C'est vous qui allez être mon employé. Et vous savez comme quoi? Comme public relation. Bravo, Auguste, merveilleuse idée. Vous qui avez dépensé des trésors d'ingéniosité pour faire de moi un homme célèbre, vous allez faire le contraire. Vous allez faire de moi un homme complètement quelconque, inaperçu. Ah non, démolir mon chef-d'œuvre, c'est impossible. Mais si c'est possible, Georges, mais si, voyons. Et si c'est une question de budget? Ah, mais si vous me parlez comme ça... Mais bien sûr, avec l'argent, on arrive à tout, mon cher. Si je vous proposais... Eh bien alors, je serais le patron, hein? Oui. Je suis le patron. Qu'est-ce que ça vous dirait, 5 millions par mois? 5 millions par mois? Oui. Mon Dieu, avec 5 millions, on ne peut pas s'attendre à faire des miracles. Hein, mais enfin, j'essaierai quand même de faire quelque chose de très bien. Vous serez content. Oui, mais alors, faudra m'obéir, hein? Parce que maintenant que je suis milliardaire pour de vrai, je veux passer complètement inaperçu. Fini les cocktails. Mon cher, écoutez-moi, j'ai une idée. Pour préparer l'opinion publique de ma disparition du monde des célébrités, on va faire une réunion de journalistes demain. Si vous voulez. Au Carlton. Oui. Puis vous expliquerez ma vie. D'accord. Je ne vous ai jamais raconté ma vie. Ah ben... C'est que j'ai eu des difficultés. C'est qu'on n'est pas milliardaire du jour au lendemain. D'abord, j'ai eu une jeunesse très difficile, très délicate. Mon cher, je me souviens, lorsque j'étais orphelin, à Saint-Mandé, dans les petites files d'orphelins, nous étions tristes, on pleurait tout le temps. Et où est mon papa, où est ma maman? On criait, on était entourés par les bonnes sœurs avec leurs cornettes. Ah, je me souviens quand mon père et ma mère venaient me voir le dimanche. On allait dans la Seine, on allait casser de la glace. Parce qu'on avait une sœur, sœur Félicité. Tiens, c'est elle qui m'a appris à nager. Oui, mais Auguste, je... Prenez des notes. Je suis milliardaire, je veux passer inaperçu. Au fait, je vous ai jamais dit où j'étais né. Figurez-vous, mes chers amis, que moi, je suis né... Auguste, oh non. Mais si, mais je suis né. Je vais vous dire que je suis né. le spectacle que nous avons eu l'honneur de vous présenter est de Raymond Castan. La mise en scène est de Christian Gérard. Les décors sont de Roger Hartz. Et voici les comédiens. Monsieur René Bouloc. Michel Vaucoré. Jacqueline Mille. René Caron. Jacques Mancier. Pierre Mira. Et Fernand Reynaud.